Indestar présente l'émission à la maison. Jusqu'à 23h, sujet, débat, jeu et encore beaucoup plus. On passe la soirée ensemble sur Indestar. Bienvenue sur Indestar. Alors on pourrait la faire quasiment toutes les semaines, hein, genre embarquement immédiat, décollage imminent, etc. Sauf que là, on va pas aller dans l'espace comme vendredi. Mais on va partir quand même pour l'autre bout de la planète puisque nous allons nous atterrir tout simplement sur une île, l'île du Japon. Parce qu'on a beaucoup de choses à vous dire sur cette île ce soir avec toute l'équipe d'Indestar. Il y a Laura qui nous a rejoint. Salut Laura. Salut. Il y a Audrey. Salut Audrey. Bonsoir. Il y a également Cindy. Salut. Et pour faire la parité, il y a les hommes. Jolan. Salut. Pardon, j'ai coupé mon micro. Oh, quelle intro des années 50, c'est formidable. Rapproche-toi de ton micro, Jolan. Non, mais ça permet de tester les micros aussi. Hein. Donc, Jolan est là, et il y a Teddy. Bonsoir. J'avais envie. Oh, quoi, mais Teddy, ouais. Non, c'est un son, non. Ça. Oui, c'est un son. Je pourrais pas le faire aussi bien. Teddy a mué ce soir. Teddy a fait les manettes. Théo, également 3 contre 3 ce soir pour vous parler du Japon. On va évoquer plein de choses, hein, bien évidemment. La bouffe, parce qu'on n'y manque pas. Parce que déjà, il y a Audrey dans cette émission. La bouffe, donc, on n'y manque jamais. On va évoquer aussi les habitats du Japon, les us et coutumes japonais. D'où vient cette popularité que l'on connaît, hein, du Japon, et depuis pas forcément hyper longtemps, mais c'est bien ancré. Et puis, bien entendu, on terminera par un quiz parce qu'on aime jouer et on aime s'affronter. Et là où je suis content, c'est que c'est Audrey qui a préparé le quiz, ce qui fait que je vais pouvoir jouer. Et que si c'est une totale réussite, comme l'autre fois quand on a fait le quiz en 2 parties avec Teddy et qu'on a lamentablement perdu, je vais adorer. Voilà. c'est un quiz très culture G. Hein, culture G, je connais. Je tiens à préciser qu'on a perdu de ta faute, hein, quand même. T'avais marqué que 2 points. Ah oui, non, mais je suis tout à fait d'accord. Hein, y a pas de souci avec je ça. Je souligne quand même. C'est vrai que t'avais pas fait beaucoup mieux, mais t'avais essayé de tenter de rattraper le coup. Ouais. Comment s'est passé votre week-end, les amis? Est-ce que s'est passé des choses sensationnelles chez vous? Sensationnelles, je sais pas. Ouais, je sais pas. Bah, t'as fait quoi, toi, Audrey? Moi, je me suis fait tatouer. Quand même. Alors, c'est peut-être pas sensationnel, mais c'est pas courant. Tu t'es fait tatouer. Cool. Oui, des petites châtaignes. Oh, c'est quoi, des châtaignes? Ce qui est marrant, c'est qu'elle s'est fait tatouer des châtaignes, mais elle a mangé pas des châtaignes. J'en ai mangé le week-end dernier des châtaignes. D'accord. Des petites châtaignes. Et t'as mangé quoi ce week-end? Tu me l'as dit tout à l'heure. C'est intéressant. J'ai mangé des truffes. Eh ouais. J'adore ça. On aurait pu se faire tatouer une truffe. Pour le travail. Pour le travail. C'est-à-dire que Teddy, tu manges quoi pour le travail? Rien. On est d'accord. Si, du pain. Ah si, si, ouais, du pain. Si, toi, t'as droit à du pain. Du pain, bon, de la pâtisserie. Laura, au travail, mais vous avez tu qu'à choisir un boulot cool et stylé, c'est tout. Bah ouais. Bah au travail, il y a des chocolats. Ah ouais, on travaille. Ah oui, bah alors il y a que moi qui mange rien. Oui, c'est ça. Non, t'inquiète, on est deux. Ah merci, Cindy. Merci. Donc des trucs pour le travail, d'accord, très bien. Oui, donc le tatouage n'a rien à voir. Absolument. Et pourquoi nouveau tatouage Parce qu'une fois qu'on a goûté au tatouage, on peut plus s'en passer. Faire des milliers. Et peut-être je vais encore en faire un dans pas tard. Mais voilà. Bref, petite châtaigne de qualité à suivre artiste sur Instagram, Madcat, vilain chat quoi, Madcat6666 et meilleur travail de l'univers. Pourquoi le 6666? Ah, parce que c'est comme ça, c'est son pseudo d'artiste. Parce que les chats sont diaboliques. Non, je pense que c'est quand elle a créé l'adresse mail, tu sais, elle s'est dit « Ah, les autres sont utilisés !» Et du coup, ils lui ont proposé ça. Donc, Madcat Tattoo sur Instagram, allez-y, allez sur Tours, en région centre. Et c'est une meuf de qualité qui vous tatouera avec gentillesse et respect. Et ça, on aime. Elle vous endort avec un somnifère, vous vous réveillez, vous avez tout le corps tatoué. C'est de la qualité. Mais la petite dédicace, elle nous écoute. Dédicace aussi, oui, parce que c'est très thème Japon. Elle est passionnée par les yokai. Alors, c'est quoi les yokai? C'est des monstres mythologiques japonais. Et c'est des représentations, les kappas, tout ça, ça en fait partie. Et donc, elle n'est pas encore spécialisée, mais elle veut se spécialiser dans ça. Donc, explique-nous ce que c'est que les kappas, parce que moi je connais les kaplas, mais je pense que ça n'a rien à voir. Les kappas, c'est les esprits des rivières et des. C'est l'équivalent des nymphes dans la tradition gréco. Enfin, dans la tradition olympienne, et, sauf que c'est la mythologie japonaise. Donc, si vous êtes passionné de Japon, contactez-la pour un super chouette projet. Elle en sera ravie. Et si ces nymphes habitent en banlieue, c'est des capacités. Non, alors tu vas enchaîner tout de suite parce que c'est vraiment nul. Ok, d'accord, très bien. Oh, bon. je viens de voir tes petites châtaignes, Audrey. C'est à côté d'une petite souris, c'est ça? Oui, avec un petit livre. Les petites châtaignes. Que d'aventure. Teddy, tu t'es fait tatouer ce week-end? Non. Non. C'était pas au projet ce week-end. Non, ce week-end, qu'est-ce que j'ai fait Ce week-end. Ouais, bah j'ai pas travaillé dimanche, mais ouais. j'ai rien fait à part regarder une série. J'ai regardé Brooklyn Nine-Nine, encore une fois. Ah oui, bah alors attends, qu'on explique, parce qu'on en a parlé à l'antenne de cette série l'autre fois. Ouais. Et tu as dit que tu regardais, et j'ai dit que je regardais. Et j'avais vachement d'avance, parce que j'avais commencé bien avant toi. Vachement d'avance. Teddy était en mode compétition. Il voulait absolument me rattraper. Donc bien en sûr. Fait, il a fait tout le week-end série pour pouvoir arriver à la même saison que moi. Ouais, bah je crois que je t'ai dépassé même. Hein. Je suis à saison 5, épisode je sais plus combien. Attends. À l'épisode combien? Je sais pas, je me suis arrêté sans regarder. Alors c'était quoi le dernier épisode? Bah je sais pas. Vous allez pas nous faire un résumé de Brooklyn Nine-Nine? Non mais je veux savoir ce qui s'est passé dans ton dernier épisode. Je sais plus, je te redirai ça quand je rentrerai chez moi. Ouais, on le dira dans l'émission de vendredi. Non. Mais vendredi j'aurais peut-être fini déjà la... Oui bon d'accord. Mais non, on a compris que tu passes tes journées à regarder Brooklyn Nine-Nine. Je vais te fumer. C'est une très bonne série, soit dit en passant, que vous pouvez regarder, mais qui n'a absolument rien à voir avec le thème de ce soir qui est le Japon. On soit bien d'accord. Non du tout. En tout cas, cette émission, vous pouvez la suivre sur indestar.fr, sur toutes les applis d'écoute en ligne, où que vous soyez, mais vraisemblablement à la maison ce soir, hein, puisque c'est comme ça que ça s'appelle, et puis de toute façon, il y a couvre-feu. On est là jusqu'à 23h grand minimum, et bon, on a du très lourd pour vous, à commencer par la musique. Alors, il y a 10 minutes, on a dit qu'on écouterait Sarah Jade avec American Life, mais Teddy n'a pas voulu. Alors, du coup, ce que je propose, c'est que... C'est un bug technique. On la met quand même. Hein, et on va écouter Sarah Jade avec American Life sur Indestar. Et puis on revient tout de suite après avec Teddy et les définitions de mots japonais. Jusqu'à 23h, l'émission à la maison, c'est sur Indestar. Exactement les enfants, et avec Sarah Jade à l'instant qui nous a fait une petite dédicace sur son Insta, donc on leur fait une petite dédicace en retour avec son nouveau titre. Bienvenue sur indestar.fr pour cette émission spéciale Japon ce soir. Nous allons nous intéresser à la culture japonaise et à plein de choses, à commencer par la langue japonaise qui est quand même bien différente de la nôtre tant à l'oral qu'à l'écrit puisqu'on n'utilise pas notre alphabet. Mais Teddy a décidé ce soir de faire comme si on était en quatrième et qu'on avait pris en seconde langue le Japon, le japonais, avec quelques définitions de mots japonais qu'on pourrait éventuellement croiser dans la vraie vie. Alors j'avoue que hors antenne tout à l'heure, avant de commencer l'émission, il n'en connaissait aucun quasiment. Si, un ou deux. Il m'a vendu le truc comme, tu sais, les mots japonais qu'on retrouve tous les jours. Alors je lui ai demandé des exemples évidemment. Et bah c'est vrai que je me suis pas forcément retrouvé dans ces exemples, mais dans un contexte spécial, genre vous êtes à une convention de comment on appelle ça, de manga et, oui, de culture, voilà, japonaise. Et là effectivement vous pouvez entendre ce mot ou à une compétition de karaté, c'est pareil quoi, voilà. Et on est d'accord que de nous toutes et nous tous, ouais, c'est cliché de ouf, on est d'accord que tout le monde de nous tous et nous toutes ne sommes jamais allés au Japon. Ouais. Parce qu'à preuve du contraire, personne n'y a été encore. Pas encore. Mais Teddy, t'aimerais bien... Ah oui, tiens, on peut faire un petit tour de table là-dessus. Qui aimerait aller voyager au Japon? Mais pas... Alors, évidemment, je pense qu'on est tous un peu à se dire pourquoi pas, mais pour qui ça ferait partie des 5 voyages, du top 5 des voyages qu'il aimerait faire? Ça fait partie du premier, moi. En fait, c'est le premier, tout court. Voilà, comme ça, c'est réglé. Pourquoi? Pourquoi? Bah, parce que il y a plein de choses que je kiffe dans la culture japonaise, en vrai. Notamment la notion de respect, bon alors c'est peut-être bizarre venant de moi, mais c'est cette notion de respect, la notion de tradition aussi, les traditions japonaises sont très intéressantes à écouter, à voir, tout ce qui est manga aussi, hein, on va pas se mentir, la pop culture japonaise, ouais ça envoie du lourd. Tout ce qui est cosplay qui est de aussi plus en plus ancré, t'en parleras peut-être tout à l'heure Laura, mais c'est vrai que c'est la pop culture japonaise est de plus en plus ancrée un peu à l'international et notamment en France. Ouais. puis je sais pas, leur boulangerie aussi, elles sont intéressantes. Leur boulangerie. Mais c'est la France, la boulangerie, la baguette, c'est nous. Oh ouais, là. Mais si, ils ont un propre style de boulangerie aussi, alors qu'il n'a rien à voir avec le nôtre, hein, c'est même pas vraiment de la boulangerie à proprement parler. Mais c'est intéressant quand même, gastronomiquement. Et comment tu l'as découvert au niveau de la boulangerie, c'est rapport à tes études ? Ouais, par rapport à mes études, parce que quand j'ai fait mon CAP de boulanger, j'avais deux Japonais qui venaient du Japon. Les Japonais qui viennent du Japon. Et en gros, ils sont venus au Japon exprès pour faire leur CAP boulanger parce que chez eux, non, ça n'existe pas. Ah oui, non, ouais. Pardon. Ouais, ils sont venus en France. Ils sont venus du Japon. Merci Audrey. Ils sont venus du Japon pour passer leur CAP boulanger parce qu'au Japon, il n'y a pas de CAP boulanger, ça n'existe pas. Donc ils sont venus, ils ont vu, ils sont repartis. Et c'est intéressant. Veni, vidi, vici. C'est exactement ça. Et du coup, il y a 3 boulangeries maintenant au Japon grâce à tous ceux qui sont venus en France à prendre la boulangerie. Il y en a un peu plus, mais... Tu peux retrouver à mon avis, le traditionnel Paris Baguette. Ouais. Ce genre de truc. Mais tu pourrais trop y aller, en fait, Teddy. Mais oui. Mais tellement. Je serais une célébrité. Je serais boulanger français. Boulangerie. Mais oui. Teddy, la célébrité. Teddy Bakery. Mais je sais pas comment ça se prononce, Teddy, en japonais, parce que ils ont pas la même prononciation des syllabes que nous. Je sais plus. Il me l'avait dit, mais je m'en rappelle plus, parce que du coup, j'ai... fort sympathisé avec eux. D'ailleurs, un petit bisou si jamais vous m'écoutez. Alors, il y a très peu de chance quand même, mais bon. Lyotaro et Ayato Fukuda. Soit complètement bilingue, c'était le cas ou pas ? Eh ben, figure-toi qu'ils ont passé 6 mois avant de faire. En gros, ils sont restés 1 an et demi en France. C'était un programme. Hein. Ils sont restés 1 an et demi. Pendant 6 mois, ils apprenaient le français et je peux te dire que. Ils maîtrisent, mais sur le bout des doigts. Je sais pas, ça doit être une école bien réputée hein, pour apprendre le français comme ça. Ils étaient bons. Et après, pendant 1 an, ils faisaient CAP boulanger comme nous, classique. Mais ouais. Et après, c'est vrai qu'on en a souvent parlé à l'antenne ou hors antenne, hein, mais au-delà de la méthode d'apprentissage, t'as aussi le fait que s'ils viennent en France pour apprendre quelque chose, enfin, qui sont en rapport avec leur futur métier et qui viennent faire une formation, etc., il y a réellement un but et t'es immergé dans ton pays d'adoption. Et je pense que t'es vachement plus attentif aussi à l'apprentissage d'une langue que si t'apprends une langue où tu sais même pas si t'iras un jour dans le pays. Peut-être, peut-être, et puis même, je dirais même, ça va plus loin que ça. Par définition, boulanger, c'est quelque chose de français. Il n'y a pas de boulanger anglais ou quoi que ce soit, ça n'existe pas. Enfin, jusqu'à preuve du contraire. Ou alors ça s'appelle autrement, ou c'est autre chose. Ça s'appelle une bakery en anglais. Oui, enfin, mais ça, c'est la traduction de boulangerie en anglais. Il n'y avait pas spécialement de boulanger en Angleterre. Enfin, c'est pas. Ouais. Ouais. Pas pour du pain français tradition. Exactement. Etc. Voilà, il y a des pains qui sont faits dans d'autres pays, mais il n'y a pas baguette française. Ça, c'est vraiment notre patrimoine, la France. La tradition française. La tradition. Pourquoi on fait une émission sur le français ? On est là pour le Japon. Exactement, Le Japon. Et d'ailleurs, donc top 5 parmi l'équipe, est-ce qu'il y a d'autres personnes à qui ça rentre dans le top 5 d'aller au Japon ? Non, moi ça rentre pas dans le top 5, mais ça rentre dans des destinations si on dit ouais vas-y viens au Japon. Ah oui, dans le top 168. non, mais c'est parce que en faisant mes recherches, en fait, déjà j'ai choisi mon sujet. Pourquoi le Japon est-il si populaire ? Parce que moi je suis pas dans cette mode là. Mais du coup, en regardant mon sujet de plus près, en m'informant et tout, en fait, c'est beaucoup plus le côté, comme tu disais, Teddy, tradition, mais aussi les paysages et tout, qui m'intéresserait énormément. Parce que je suis pas du tout dans la pop culture, mais le côté paysage et tradition, j'aimerais beaucoup voir une autre culture que celle qu'on a l'habitude de voir, occidentalisée, européenne, etc. Et puis pas forcément le Japon des villes, mais le Japon de la campagne, qui est très différent de Tokyo, quoi, qu'on connaît, parce que avec la fameuse place centrale où ça grouille de monde, etc., etc. Il y a aussi la campagne japonaise qui est vraiment différente et c'est notre culture. Ça, mais ce serait aussi intéressant de voir le côté ville justement qui bourdonne, qui fourmille de partout, enfin pour vraiment s'immerger dans les deux côtés quoi. Jolane, toi qui si un jour l'occasion se présente. Ouais, carrément ouais. Jolane, toi qui étais en Asie, est-ce que le fait d'aller au Japon, c'est quelque chose qui t'intéresse plus que ça ou pas forcément ? Franchement, ouais, ce serait, je pense que le dernier voyage de ma liste en Asie, je pense. Ouais. J'aurais fait le tour de l'Asie parce que bah, je suis allé en Thaïlande et en Birmanie. Donc, Ouais, là, c'est un peu plus grand que ça, l'Asie, quand même. Il y en a d'autres, je sais. Tu sais, il y a la Chine, par exemple. Oui, mais j'ai fait une partie de l'Asie, pardon. Donc, oui. Et j'aimerais bien aller au Japon. Et plus campagne ou ville, ou les deux? Plus la ville, moi, personnellement. D'accord. Et toi, Audrey? Non, bah, enfin, comme Laura, en fait, si j'ai l'occasion d'y aller avec un natif ou quelqu'un qui connaît très bien, je serais ravie. Par contre, c'est pas quelque chose pour lequel je me saignerais pour acheter un billet. Mm-hmm. Cindy? Ouais, moi, c'est plus pareil. C'est pas un pays qui m'attire forcément. Mais okay. pour les paysages, ouais, peut-être. Et bah, je sais pas, c'est pour ça qu'on est là pour apprendre ce soir le japonais avec Teddy, notre prof particulier quand même. On a de la chance. Hein. Alors, on est une petite classe présentielle, mais on sait que vous êtes nombreux aussi à suivre ce cours. Donc, Teddy, t'as un peu la pression. C'est comme si t'étais devant un amphithéâtre. Donc, fais-nous. Je pense que j'ai une pression de dingue. T'imagines tout le monde devant. Ouais. Et tu vas nous faire ton petit cours de japonais avec les définitions et les mots qu'on pourrait croiser au quotidien, quoi. D'accord. Pas, mais alors, qu'on pourrait. Commençons par le commencement. Non, je déconne, c'est pas vrai. Par on taxi. Va commencer par un mot. Quoi ? Non ? Non, mais parce que moi j'ai appris le japonais dans le taxi. Hein. Les konnichiwa avec les cons comme Emilien, les nichons comme Petra. Non. Et puis non. Les ninjas et les niaques de la 406. On va lui couper son micro, c'est pas possible. Bon, bref. Alors je vais commencer par un mot. Et vous l'avez peut-être déjà vu ou entendu quelque part. Otaku. Ok, ça fait un bide total. J'adore. Ok, non, mais tu me l'as fait en antenne, Teddy, et ça c'était le vide aussi. Ouais. Bah, je m'y attendais pas du tout. Un peu, Teddy. Vous avez jamais entendu ce mot, otaku? Vraiment? Si, mais si. Ah, merci. Ah, enfin une. Non. Bref, un otaku, c'est un mot qu'on utilise, enfin, qui est utilisé de plus en plus en France, du moins dans une culture, ceux qui aiment les mangas, j'ai envie de dire, hein, pour le coup, c'est parce que. Ouais, je dois être un peu le seul. Bon, la tristesse. Bref, c'est pas grave. Je suis déçu, là. Vous pouvez pas savoir. Mais non, mais y a, en vrai, il y a plein d'animateurs, animatrices d'Indestar qui aiment les mangas, mais ils sont pas là. Ouais. Non, mais c'est dommage. La déception. Je me retrouve seul contre tous. Non, c'est pas grave. Alors, un otaku... alors, déjà, au Japon, c'est un terme péjoratif. C'est quelqu'un... J'ai trouvé une définition. Elle est très barbare. C'est le puceau asocial. Wow, ouais, c'est excellent. J'ai ça adoré. Veut dire qu'il y en a beaucoup pour qu'il y ait carrément un terme pour les désigner, en fait. Oui, c'est ça. En fait, il y a beaucoup de gens au Japon qui restent cloîtrés chez eux, qui font que ce qu'on appelle des activités d'intérieur, donc lire des mangas, vénérer des idoles. C'est l'équivalent des stars pour nous. Eux, ils appellent ça des idoles. Surtout quand elles sont féminines. On peut appeler ça idole aussi en France, mais. Oui, ouais, mais c'est pas. Des idoles. Oui, c'est le terme. C'est pas la même. Ouais. Eux, c'est des fanatiques. Tu vois, par exemple, ceux qui sont fans de Johnny Hallyday, par exemple, tu vois, là on pourrait dire c'est presque une idole pour eux. Eux, c'est quasiment toutes leurs chanteuses qui sont sacré, des idoles. Ouais. Pour eux, le c'est. Le monde des idoles, c'est vraiment quelque chose de très particulier au Japon et à la Corée du Sud. C'est ça. Donc, soit tu aimes les mangas, soit tu vénères, enfin, tu as un culte pour les idoles, soit tu joues aux jeux vidéo, bref, tu fais des activités ou tu restes chez toi. Donc, au Japon, c'est un terme assez péjoratif. Par chez nous. Ce qui veut dire qu'en fait, en ces périodes de confinement ou de couvre-feu qu'on a chez nous. Ah, bah, on est tous des otakus. En vrai, les otakus, ils ont une passion hyper. Poussée, fanatique. Hyper focus, presque. Vraiment. Ouais, voilà, c'est ça. Ils sont fanatiques d'un truc. Genre, il y a des otakus du Shinkansen, par exemple. Le Shinkansen qui est le train à grande vitesse. Et il y a des gars qui vont passer, ou des nanas, peu importe, des personnes, qui vont passer des journées à photographier le Shinkansen. Qui vont se mettre à sur le quai et savoir à l'heure près quand alors, le Shinkansen passe. Théoriquement, c'est plus des otakus. Parce que la définition même du otaku, c'est de rester chez soi. Oui, mais c'est des fanatiques quand même. Moi, je pense qu'il y a deux. Enfin, c'est pas qu'il y a deux définitions, c'est que. Il y en a deux. Ça recoupe deux concepts. Ça regroupe deux concepts, les otaku et les ikigoromi, qui donc sont des gens qui, eux, restent complètement enfermés dans leur chambre. Mais c'est quasiment pathologique, voire maladif. C'est vraiment des gens qui se coupent de toute vie sociale et qui vivent H24 dans leur chambre. Et souvent, leurs parents apportent à manger et eux ne sortent pas du tout. Mais genre, ils n'ont plus du tout de contact à l'extérieur, à part leur famille ou les livreurs quand ils sont. Et j'imagine que c'est quelque chose d'assez récent ce phénomène parce que. Kigo Mori ? Non. Au Japon, non. Par chez nous, donc, en fait, l'avènement. Non, mais sans, d'une façon générale, parce que je pense que l'avènement d'Internet et le fait. Enfin, ah bah oui, est-ce que évidemment. C'était possible à l'époque, dans les années, je sais pas, 70, non. 80, non, d'avoir des personnes qui restent comme ça totalement cloîtrées chez elles? Non, bah non, ça n'existait pas avant. Si, c'était possible, dans le sens où, par exemple, t'as déjà toutes les personnes agoraphobes. Mmh. Ah, complètement. Oui. Oui. Mmh. Oui, que ça soit. Après qu'il y ait un terme dessus, c'est peut-être récent. Mmh. Mais oui, il y a des personnes qui sont restées chez eux pour X ou Y raison, oui. Mmh. Après, pour lier les deux, comme tu disais, Teddy, au Japon, et dans les villes, hein, je parle, c'est tellement concentré que tu as des villes où tu as le train qui passe genre, au ras des fenêtres des immeubles. Donc finalement, si tu veux. Prendre le train si en photo. Si tu veux faire les deux par rapport à ton exemple de tout à l'heure, tu peux. Regarder le train passer au travers de ta fenêtre. Sans doute. mais comme l'a dit tout à l'heure Audrey, otaku, ça a plusieurs définitions. Parce que là, je vous ai parlé de l'otaku au Japon. Par contre, mm-hmm. otaku par chez nous, c'est pas un terme péjoratif. C'est quelqu'un qui est fan de culture japonaise en général. Ah, voilà. Ok. Donc, par exemple, on pourrait très bien me qualifier d'otaku. J'aime les jeux vidéo. Mm. Alors, ils sont pas tous japonais, évidemment. Mais j'aime les mangas, ils sont pas tous japonais non plus. Mais bon, j'aime certains trucs de la culture japonaise. C'est des otaku. Voilà. Par chez nous, d'accord. c'est bien. Au Japon, c'est pas très bien. Et Ikigomori. Voilà. c'est un peu plus bien vu que les otaku au Japon. Pourquoi ? Je ne sais pas. Bref. Le deuxième okay. que j'ai dit... Enfin, que le deuxième mot, je l'ai dit à Théo tout à l'heure en antenne, c'était assez marrant. Le mangaka. Alors, il a tout de suite compris... De quoi t'as pas c'est entendu le fan de manga. Non, c'est celui qui est l'auteur. Voilà. L'auteur. Exactement. C'est l'auteur. Moi, j'ai dit le fan aussi. Exactement, il a dit le fan, mais c'est l'écrivain en fait. Enfin, c'est celui qui écrit l'histoire et qui la dessine. Ouais, c'est ça. Donc, un mangaka, c'est celui qui écrit un manga. C'est aussi simple que ça. Mm-hmm. Il existe des mangaka français, il existe des mangaka de d'autres nationalités, même si ça vient du Japon de base. Bref. Le troisième mot, ça c'est Sidney. Des mangaka luxembourgeois. Et ben franchement, je vais taper sur internet en vrai. Ouais, mais j'en suis pas sûr. J'en suis pas sûr, vraiment. Il est là, c'est Jean-Charles. Le troisième mot que j'ai choisi, c'est Cindy qui nous l'a apporté tout à l'heure hors antenne. C'est kawaii. Oh, vous connaissez ouais, ça c'est vrai. Kawaii. Moi, je connais kawaii. C'est la mode du mignon. C'est trop mignon. C'est la mode du mignon. Oui, grosso modo, c'est ça. C'est plus ou moins un. Enfin, tout ce qui est mignon, c'est kawaii. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc, je sais pas, tu vois un petit chat trop mignon. Oh, il est kawaii! Tu vois, c'est forcément tout ce qui est petit et mignon. Oui, c'est pour ça qu'il y a souvent aussi des bébés au Japon, on dit qu'ils sont kawaii. Alors, tous les bébés ne sont pas kawaii parce que tous les bébés ne sont pas beaux. Ah, c'est salaud! Hein. C'est pas faux! Allez! Tu sais que tu dénonces, hein, Teddy, là. Je dénonce. Mais mon fils est très beau, par contre. Il est... Voilà. Il est même pas kawaii. Il a la classe. Il est beau gosse. Enfin, bref. Ouais, il ressemble pas à son père, donc. Bien sûr que si. Il a tout de son père. Sauf le talent de boulanger. Même les chevilles. Même les chevilles. La suite, j'enchaîne. Attends, non. Il y a des mangaka au Luxembourg. Bordel. Pourquoi? Dites-nous un nom. Alors, wow. Claudio Valentino Sorgo. C'est pas bon. Ça fait très italien. Et une petite dame qui s'appelle Sabrina Kaufman. D'accord. Voilà. Ma foi. Ok. Eh ben, on les salue. On a pris un soir. Merci Cindy. Il y en a partout. Ils sont dans vos campagnes. Ils sont partout. Des mangaka, tout le monde, enfin, peut être mangaka entre guillemets. Il suffit de dessiner un manga. Enfin, ou d'écrire un manga. Ce qui est pas faux. Oui. Non, mais tu sais que ça peut s'appliquer à tous les métiers. Ça, oui, c'est pas faux. C'est pas faux. J'aime bien le. Il suffit de dessiner. Alors oui. Il suffit de manga. Il suffit juste de dessiner et d'être publié. C'est pas. C'est franchement, c'est la base, non? Bah ouais. Okay. Bien sûr. Bref. Maintenant, je vais vous parler d'un rite traditionnel japonais qui n'existe plus. Enfin, ou du moins qui est plus pratiqué. Le. Oh mon Dieu. Attention. Pas le temps de faire harakiri. C'était pas assez fort. Ah. Vous l'avez pas entendu. Attendez. Bah non. J'avais que deux mains. Enfin, j'en ai utilisé une. Attendez, je le remets. Pas le temps de faire harakiri. Vous avez entendu ? Ah, le harakiri avec l'épée, là. J'ai entendu kiri, moi, comme le fromage. Oui, il y a bien kiri. Le harakiri. Le harakiri, oui. C'est un hara pour les kiri. Non. Super. Non. C'est même pas très joyeux, de base. Et c'est l'heure d'écouter. Vous savez que vous êtes en train de rire. Tu n'avances pas beaucoup, kiribis. Vous êtes en train de rire de ça, alors que c'est quand même assez sombre. Ah, ouais, ouais, bah oui, oui, complètement pour même. C'est oui, c'est un peu brossé. C'est une méthode de suicide traditionnelle. C'est du suicide quand t'as plus d'honneur en fait. Enfin, quand ton honneur a été souillé ou que. Alors, oui et non, ça dépend. Il y a plusieurs raisons pour se faire un harakiri. C'est la plus courante de base. Qu'est-ce que tu fais samedi prochain si on se faisait un harakiri ensemble? Ah, mais déjà, faut avoir des sacrées couronnes pour se faire un harakiri. Ouais. Hein, parce que c'est quand même mettre une lame dans le bide. Et tripatouiller histoire de mourir. Non, ce n'est pas ça. C'est se couper le ventre de façon latérale d'un coup sec. Ce n'est pas se tripatouiller. Oui, alors d'un coup sec, mais t'es mignon, mais il n'y a pas. À part si tu touches le foie et encore, il n'y a pas d'organes vitaux dans les boyaux, donc tu meurs en temps d'atroce souffrance. Bah oui, ouais, c'est honorable. Juste et que t'as pas besoin de beaucoup, mais de toute façon, oui, ça va mettre un certain temps avant de faire ça. Je pense qu'avant de faire un harakiri, il faut faire des études de chirurgie, de biologie, comme ça, tu sais. Ah oui, bon endroit. Voilà, non, mais... je vais faire ça là, et bim. Voilà. Normalement, tu tapes au-dessus du nombril. Ouais, mais tu te rends compte de s'enfoncer une épée dans le bide et clic-clac, Kodak ? Non, bah, là, je le vois pas. Alors, bizarrement, je m'en rends pas très bien compte, mais... c'est... Tant pis, c'est pas grave. On va tester pour savoir si ça marche ou si on est fort. Ouais. Ou, voilà. J'avais pas spécialement envie d'essayer. J'avais juste envie de vous donner la définition. Dans tous les cas, si tu te fous une lame dans le ventre et que t'as pas de soins après. Alors, ça, je l'ai déjà fait. Mais ça fait pas si mal que ça. Donc, attention. Non, mais on le voit dans les films. Ouais. Oui. Mais alors, c'est dans les films, mais c'était aussi dans la culture traditionnelle au Japon. C'était les samouraïs qui faisaient ça. Ça existait, ouais. C'était pour pas perdre leur honneur, justement. Quand ils étaient battus ou quoi que ce soit, ou quand ils savaient qu'ils allaient perdre lors d'une guerre, qu'ils étaient capturés ou. Comment on appelle ça ? Assiégés. Pourquoi pas se pendre comme tout le monde à l'ancienne ? Parce que ça, c'est pas mourir convenablement. Ils ont, ils ont des traditions, ils ont un code d'honneur. Ouais, voilà. C'est très poussé au Japon, ce genre de choses. Tu vas mourir en pleine souffrance. Donc, pour mourir honorablement. Tu te fais harakiri. Voilà. Il y a un très beau film là-dessus. Si vous voulez. Non, mais c'est vrai, c'est un super beau film. De 1962. 3. Je sais plus. Qui s'appelle Harakiri. De. Kobayashi ou un truc du style. Et. Genre, c'est un mec en fait qui a été forcé de faire le harakiri, mais avec un sabre en bois. C'est tiré d'une histoire vraie. On peut pas. Non. Oh bah, je peux t'assurer que ça rentre. Ouais, bien aiguisé. Et, mais genre en fait, ouais, c'est tiré de faits réels et il est époustouflant comme film. J'imagine le mec qui essaye de planter. Merde, ça a cassé, c'était du contreplaqué. Quick kick. Bon, ok. Ouais. Et si t'arrivais pas. On se souviendra du nom du film parce que ça porte le même nom que cette méthode. C'est assez sympa. Ouais, voilà. Mais ça, c'est pas mal. C'était pour mourir honorablement. Il y en a qui n'avaient pas les coronets, et chose qu'on peut comprendre de le faire. Oui. Tu as une mort un peu moins honorable, qui est de se faire couper la tête par son pote. C'est. Génial. Ouais, non, mais. Il faut avoir un pote à proximité, quoi. Ouais, parce que généralement, le harakiri, tu le fais pas tout seul. Soit tu le fais en bande, soit tu le fais devant des gens. Il faut des témoins. Oui. Mais là, celui qu'il faut qu'il ait les coronets, c'est le pote, parce que tu lui demandes, tu dis vas-y, prends le sabre, tranche-moi la tête. Et ils sont formés pour ça à la base. Hein. Ouais, et puis trancher une tête, c'est quand même plus simple que s'ouvrir le bide. Enfin, je sais pas. Bide. Oui. Là, t'as le poids sur la conscience de ton pote. Alors non, justement, nous, de notre point de vue d'occidental, peut-être, de leur point de vue, c'est différent. Parce que, bah oui, comment dire, c'est honorable. Leur point de vue, c'est en gros. Tu dois jamais mourir au combat, en fait. L'honneur, entre guillemets, de donner la mort à ton pote, quoi. Bah ouais. Ah ouais. Et tu le sauves, entre guillemets, parce que vu qu'il a pas réussi à se faire harakiri, t'es là, tu l'aides. C'est cool. Enfin, c'est cool. Ouais, bref. J'imagine le gars avec une épée. C'est ça. Ouais, c'est ça. Hein. En sachant que... Il est planté dans le corps, il est là. Oh, je suis pas encore mort, j'y arrive pas. Bon, bah d'accord, attends, je vais te trancher la tête. Slack. C'est horrible. Il y a la même chose pour les femmes. Mais... Parce que les femmes n'avaient pas le droit de se faire. J'ai une question. Vas-y. C'est quoi, du coup, le seppuku? C'est la même chose, mais... C'est un autre mot? Oui. C'est juste un autre mot? C'est un peu plus soutenu, un peu plus traditionnel. Comment dire, dans les écrits, en fait, tu entendras jamais dans des écrits japonais. Enfin, tu en entendras. Non, tu n'es pas prêt d'entendre des écrits japonais. Tu vas pas lire le mot harakiri dans les écrits japonais. Ils disent toujours seppuku. Harakiri, d'accord, c'est plus du langage familier et oral. C'est ça la seule différence. Ok. Après, tu as peut-être entendu pas parler. Je vais pas avec le seppuku, mais on va pas, peut-être passer à un terme un peu plus sympa. Ah bah non, c'est pas si sympa. Non, c'est le terme pour femme. Il y a le même, mais pour femme, parce qu'il faut pas être jaloux. Et faut... Attends, qu'on soit bien d'accord, tu nous as dit petit cours de japonais et du coup on apprend toutes les méthodes pour suicider. Mais ils le font plus, ça existe plus, c'était dans le Japon traditionnel. Non, ils le font feudal. Plus, mais ça reste un des pays qui a le plus haut taux de suicide avec la Corée du Sud et la Corée du Nord quand même. C'est vrai. Alors pour les femmes, il y avait le jigai. Pour les femmes, ils devaient pas le faire en public, ils devaient le faire toutes seules. Ils s'attachaient les jambes. Sympa. Ouais. Ils s'attachaient les. Les meufs qui trinquent. Ils étaient sexistes même pour suicider, quoi, sans déconner. Ah putain. Ils s'attachaient alors les jambes. Les autres c'est en public avec une ola, etc. Et la femme, c'est, dans la son femme c'est ta honte. Alors tu te suicides dans ta honte, tu vois. Genre. Ouais. Alors toutes les femmes ne le faisaient pas. Entre bros, quoi. Toutes les femmes ne le faisaient pas. C'était souvent les femmes nobles ou les femmes de samouraï. Et ça consistait à s'attacher les pieds, se mettre assis à la japonaise, je sais pas si vous voyez, genre comment on appelle les ça les pieds en dessous des en dessous des fesses. Oui, voilà, c'est ça. Ah, c'est accroupi. Oui. Non, c'est sur les genoux. Assis sur tes pieds. Ah oui. Oui. Voilà. En tailleur. Non, pas en tailleur. Non, mais oui, je vois. Oui, comme et à la maternelle. Elle devait juste trancher la gorge. Bah oui, juste. Oui, juste. Voilà. On fait rien. C'était la petite méthode pour les femmes. Bon, chacun son d'accord. délire. D'accord. Hein. Clairement. Ouais, super. Et nous en France, c'était au poison, voilà. Ouais. Avec tube de cyanure, ouais. Bon, revenons avec une note un peu plus joyeuse. Oui. Quand tu décroches ton téléphone, tu dis quoi, Théo? Ah putain. Je sais ce que c'est moi, en japonais, moi. Ah bah c'est quoi? Oui, moi aussi, c'est mochi mochi. Oui, putain, merde. Voilà. Et ben, je suis ouais. tellement fort. Au Japon, quand tu décroches ton téléphone, tu dis mochi mochi. Hop, et voilà. C'est génial, ça veut juste dire allô. C'est plus drôle. C'est assez sympa, c'est parlant. Allô, c'est un peu plus barbare que mochi mochi. Bah bon. Et c'est surtout que moi, j'ai jamais compris le allô parce qu'il sert à rien. C'est-à-dire qu'en fait, on décrocherait notre téléphone, on dirait salut. Oui, mais c'est parce qu'avant, il y avait les personnes qui te mettaient en relation avec, et donc quand t'avais ton truc, tu pouvais dire genre, tu devais signaler que t'étais branché, tu vois. Donc, oui, allô. Voilà. Ouais, mais bah bonjour, ça marche aussi, même si t'as un opérateur ou une opératrice au téléphone. Bonne question. Moi, je dis toujours allô parce que j'ai peur qu'on m'entende pas, enfin qu'il y ait des problèmes de réseau. Ah oui, moi je fais 1-2, 1-2, vous m'entendez 1-2, 1-2. La radio dans le sang. donc ça c'était facile, c'était sympa, mochi mochi, ça fait bien rire, vous pouvez le dire à vos proches, ça peut être marrant. Le prochain mot, ça vient, c'est du japonais hein, classique, mais vous l'avez peut-être entendu dans des mèmes ou dans des gifs, je sais pas, je vais vous passer un extrait. Omae wa mou shindeiru. Nani? Oui, le nani. Le nani. Alors ça c'est un mème légendaire hein, clairement que beaucoup de gens connaissent. Nani, qu'est-ce que ça veut dire d'après vous? Sérieux? Quoi? What? Ça veut dire quoi? Oui, c'est Laura qui a trouvé. C'est quoi? En fait, c'est juste l'équivalent de quoi. Mais il est très souvent comment dire repris. Enfin, ah ouais, c'est genre quoi? Ouais. Nani. Voilà. Ouais. Et je trouve ça très sympa à écouter. C'est moins barbare que le quoi, comme pour les mochi mochi. Tu dis nani, c'est mieux. Peut-être parce que ça se finit en mochi. Il y a beaucoup de japonais comme ça qui sonne, même le harakiri, si tu veux, il sonne bien. Il sonne bien. Non mais à l'oreille, c'est sympa. Après, quand on découvre ce que c'est vachement moins sympa. Mais bah, tu sais ce qui est moins sympa à l'oreille? De quoi? Ouais, vas-y, qu'est-ce qui est moins sympa? Banzai. Oui, mais parce qu'on crie un petit bonsaï, c'est marrant. C'est pas un bonsaï, c'est banzai. Non, banzai, c'est là. Banzai. Oui. Eh ben, banzai. Un bonsaï, c'est pas la même chose. Ah oui, non, c'est pas pareil. C'est un arbre. Alors, banzai, de base, c'est une formule, comment dire, de politesse et de respect pour l'empereur japonais. Qui veut dire 10 000 ans. Littéralement, c'est 10 000 ans. Pourquoi tu le cries? Pourquoi tu fais banzai? Parce que, alors, ça vient qu'après. Mais au début, c'était, il criait pas, il disait juste à l'empereur, il disait Banzai. C'était un signe de longévité, comme quoi il allait vivre longtemps, pendant 10 000 ans à peu près. Ce qui n'est pas vrai, mais bon. Après, ça a été repris par les kamikazes. Oui, ouais. Exactement. Donc là, c'était une preuve de respect envers l'empereur et tout. Et pendant la guerre, ça a été détourné un peu par les Japonais. C'est devenu le cri de guerre, toujours pour respecter l'empereur. Hein. En gros, ça voulait dire. Comment dire ? Pas je respecte l'empereur, mais ouais, gloire à l'empereur, voilà, c'est ça. Ça voulait dire un peu gloire à l'empereur. Qui dit cri de guerre dit forcément le gueule, quoi. Et c'était pas vraiment un cri de guerre parce qu'il y avait que les kamikazes qui le disaient, et souvent ceux qui étaient. Les kamikazes, c'était dans les avions. C'est un suicide, quoi. Ouais, oui. Voilà. Donc, bizarrement. Le kamikaze, c'est ton boulot hein, de se suicider. Hein. On l'a su qu'après qu'ils disaient ça, les pilotes kamikazes, parce que bah, ils étaient tout seuls dans leur avion à dire Banzai. C'est voilà. Oui, logique. Après, il y a eu. Le problème d'être kamikaze, c'est que tu peux pas raconter aux copains. Non. Après, il y a eu quand même des. Comment dire. D'autres déviations, si on veut. Des moments où il y avait des sergents qui s'amenaient avec la grenade dans la main des goupillés qui criaient Banzai dans les rangs ennemis. Oui. C'est toujours aussi kamikaze, mais c'est pas pareil. Ouais. Il y avait les soldats aussi quand. Tu sais, quand il y a des guerres de tranchées, bah, il y a souvent les soldats japonais, bah, ils chargent. Couverture, pas couverture, il y a des moments, ils chargent quand même. Suicidaire, clairement. Ah, mais c'est quand même incroyable qu'ils aient réussi à inculquer ce devoir de suicide à la patrie, alors que nous, enfin peu importe nous, culture occidentale, qui est les personnes qui font la guerre, bon, ils vont à la guerre, ils font leur boulot, mais s'il y a du repli, ils se replient, tu vois, il n'y a pas notion de alors, donner les Russes, pour un pays. Les ouais, Russes sont ouais, pas les Russes, non. Quand eux, ils sont les Russes, bah, ils les tuent quand même, quoi. Ouais, ouais, les Russes, ouais. C'est dingue. Ouais, c'est vrai, c'est dingue. Bah bon, du coup, bah, vous entendez souvent des Banzai, et ça a été repris après dans le folklore, dans les films, dans tout ça. Souvent par les Américains, d'ailleurs, parce que c'est eux qui l'ont plus souvent entendu que le reste. Donc, ouais, non, mais ouais, ça vient d'eux de base. Enfin, dans le folklore, ça vient d'eux. Parce que les Japonais, ils disaient, mais c'est les Américains qui subissaient le plus. Donc bon... D'accord. C'est pour ça qu'ils ont balancé les deux bombes, ils en avaient ras le cul en fait. Banzai, bah nous aussi on va dire Banzai. Banzai Hiroshima, Nagasaki, bam. Ouais. Banzai, ouais. Banzai. Et je vais finir. Capitalisme. Je vais finir ce petit exposé par les suffixes. Première fois que les Japonais entendaient la voix de leur empereur d'ailleurs. C'est pas faux. C'est pas faux. Dans le Japon, il y a. Enfin, dans le japonais parlé, il y a des suffixes. Genre par exemple Teddy-san, Audrey-san, Cindy-san. Mais c'est pas San, c'est pas pour les hommes. C'est une marque de respect. C'est une genre de marque de respect et oui c'est pour les hommes celui-là. Non pas San, pardon. Non, attends tu vas m'embrouiller. Alors il y en a plusieurs. Le premier c'est San, c'est le suffixe personnel basique. Il est synonyme de monsieur ou madame, n'importe. Là il y a vraiment pas de sexe. C'est une forme de respect. Quand tu dis san à quelqu'un, c'est que tu l'admires un petit peu. Donc tu peux très bien dire ça à quelqu'un que tu connais pas, comme à quelqu'un que tu aimes, comme la personne avec qui tu vis, les personnes avec qui que tu côtoies, tu peux le dire à peu près à tout le monde. C'est une marque de respect générale. Après, il y a d'autres suffixes qui sont un peu plus précis, qui poussent la perfection, non, qui poussent le vice un peu plus loin. Il y a par exemple sama, donc je sais pas, Théo sama. C'est un suffixe de politesse utilisé dans le langage professionnel. Genre par exemple quand je sais pas, tu es le représentant d'une entreprise qui va dans une autre entreprise, voilà, c'est un terme professionnel, bah tu vas dire sama pour montrer un certain respect plus poussé que san. Le respect envers la hiérarchie quoi. Par exemple. Ouais. Ou quand t'es au restaurant, et bah ils vont te dire sama les serveurs. Par exemple. Ok. D'accord. Et pour finir, il y a ceux que tu voulais dire quelque chose, Cindy? Non, c'est une connerie. Ah bah vas-y. Partage. On veut la connerie. Non mais Sama, ça me fait penser à Saga Africa, je sais pas pourquoi. Rien à voir. Je sais pas si il y a le même respect. Ah peut-être pas, je sais pas. Ouais, c'est affreux. Noah Sama. Il y a Yannick Noah qui arrive. Sama Africa. Oh là là. On est les pires. Pour en revenir à ce qu'a dit Audrey tout à l'heure, effectivement, il y a des suffixes qui sont féminins et masculins. C'est Kun et Shan. Donc, par exemple, je peux dire Jolan Kun et Audrey Shan. D'accord. Voilà. En sachant que j'ai oublié de préciser, san, le premier suffixe, et sama, ça s'emploie généralement avec les noms de famille. Hmm. Là, pour l'exemple, ça j'ai donné des prénoms, voilà. Parce que j'ai oublié vos noms de famille. Voilà, je sais. Alors, moi, c'est marqué sur Discord. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Il ne fera aucun effort ce soir. Alors, par exemple, je pourrais dire ouais, mais est-ce que je donne ton nom de famille ? Mais non, on donne pas les noms de famille. Bah voilà. Mais non, voilà. Quand même. Donc, non. Par contre, Koun et Chan. Il balance à la radio en direct comme ça. Ouais, ton donc, numéro. Si ton nom. Tous les gens peuvent pas me retrouver. Et le numéro de téléphone, c'est le 06 23 72. Nos respects, bonjour. Les deux derniers suffixes. T'as un numéro qui est le bon, c'est le 06. Ouais, déjà pas mal. Félicitations, Théo. C'est les voyants arnaqueurs. Alors, je peux deviner ton numéro de téléphone. Mais juste le premier chiffre. 06. Et puis même maintenant, ça marche plus parce que t'as des 07. Ouais, t'as des 07 aussi, ouais. T'as même des 09. Ouais. Ah bon en numéro. Ouais, ouais. Ah ouais, je savais pas. D'accord. Ma foi. On s'égare, oui, du coup. On s'égare un petit peu. On fera ça dans une autre émission. J'ai perdu leur chanson japonais. Oui. Donc, Koun, qui peut s'appliquer à Jolan, par exemple. Donc, Jolan Koun. Et Chan, qui peut s'appliquer à Audrey, par exemple. Ou Audrey Chan. Ou Laura, ou Cindy. Koun, c'est pour les hommes. Enfin, pour les hommes. C'est pour les jeunes hommes. Il peut s'appliquer à Jolan, tu vois. Je sais pas. Bah oui, parce que... Alors, tu vois, en fait, il peut s'appliquer à Jolan, de mon point de vue, mais pas à toi, Théo. Ah bon ? Oui, parce que Koun... En fait, c'est un suffixe, toujours une marque de respect, mais pour dire jeune homme ou plus ou moins du même âge. Donc en gros, c'est en gros, tu peux l'employer avec quelqu'un de plus jeune que toi ou à peu près du même âge, mais avec quelqu'un de plus vieux, bah ça va être plutôt senpai, hein, qui va être. Oui, bah, ça va, je pense qu'on va arrêter là la démonstration. Voilà. Donc toi, Théo, j'aime bien Laura Chan, ça me fait penser à Laura Chat. Donc, du coup, j'ai l'impression d'être un petit chat. Laura Chan. Et oui, c'est... Non, mais c'est mignon, les Laura Chan, ouais. Laura après, je me suis basé sur vos âges. Je crois qu'on a à peu près le même âge, Audrey, Laura et Cindy. Donc, on a le même âge, t'es dit, il me semble. Peut-être que c'est un an de plus, je sais plus. Mais je pense que je peux vous dire Chan à peu près. T'es hyper vieux comme ça ? Hein ? Je dis, t'es hyper vieux comme ça ? Bah ouais, mais je crois. T'es la seule, Audrey, que je peux pas dire Chan. Je crois que t'es plus vieille que moi. Donc, toi, tu m'appelles Senpai. Ouais, je dois t'appeler Senpai. Senpai pour non, à partir de maintenant, je veux que tu m'appelles comme ça. Senpai. Oui. Senpai, en gros, c'est un suffixe aussi. Par exemple, je peux dire Théo Senpai ou Audrey Senpai. C'est pour les vieux. Enfin, ceux qui sont plus vieux que moi. C'est pour les vieux. Ouais. Allez, ça clash. C'est pour les sages. Oui, alors, oui, hein, c'est pour les sages. Ouais. Oui et non. Oui. C'est pas forcément pour les sages, c'est plus pour les personnes plus vieilles que moi. Mais oui. Surtout pour les maîtres, en fait. Senpai, c'est les gens qui t'apprennent. Non, c'est Sensei. Ah oui, il y a Sensei aussi. Sensei, c'est pour les maîtres, les docteurs, sensei, les artistes, enfin ceux qui t'apprennent les choses. Genre. À partir de quel, entre guillemets, nombre d'années tu peux passer de Chan à Senpai D'années différentes, tu veux dire Senpai, ouais. Ouais. Eh ben, c'est pas en termes d'années, c'est plus en termes de toi avec la personne. Par exemple, moi avec toi, donc, Cindy. Moi, je te dirais, t'es dit Senpai en fait. Bah ouais. Toute ta vie. Non, mais grosso modo, c'est ça. C'est par rapport à l'âge, c'est un truc qui est déjà défini presque à la naissance. Hein, quoi. Je suis né avant toi, donc moi, ce sera Senpai et moi, je pourrais t'appeler Chan. Cindy Chan. Ok. Voilà. Alors que Théo, bah, je pourrais toujours l'appeler Senpai. Et, non, mais... pas si je meurs avant toi. Bah si tu meurs, je t'appelle même plus Senpai. Je t'appelle plus. Plus du tout. Tu m'appelles. Voilà. T'as oublié mon numéro de téléphone. Exactement. Bon, sur ces notes de gaieté, si on passait à la suite. Évidemment. À moi, c'est toi qui a cassé l'ambiance. On était bien. On était bien. Et hey, si je meurs avant. C'est pas faux. Tu voulais rajouter quelque chose, t'as dit ? Non, non, mais j'ai lancé la musique. Par contre, tu veux rajouter de la musique Julien Loco, voici J'attends demain sur Indestar. 21h-23h, vivez le confinement avec nous sur Indestar. C'est l'émission à la maison. Oui, parce qu'on est bien sur indestar.fr en ce lundi soir pour cette émission à la maison spéciale Japon. Konnichiwa! Bref, un truc comme ça. On est ravis de vous accueillir. Non, mais que voulez-vous? On vient juste de faire le premier cours de japonais avec Teddy où on a appris que des méthodes de suicide. Donc, moi, tant que je sais pas acheter un truc au supermarché, bah, je fais avec ce que j'ai, c'est-à-dire avec mes références taxi. Voilà. je ferai que ça. Par contre, on va parler d'un autre truc hyper important, parce que je viens de parler de course à l'instant, mais je peux aller très bien au resto aussi et pour manger, parce que la nourriture, c'est la base de la pyramide. C'est très bon. Et la nourriture japonaise est bien différente de chez nous, n'est-ce pas, Audrey, qui adore les restos japonais. Oui, la cuisine japonaise, déjà la cuisine asiatique, et la cuisine japonaise particulièrement, parce que un principe simple dans la cuisine japonaise, c'est d'être brut, c'est de laisser le maximum le produit brut et de ne pas trop rajouter. Je pensais brut dans le sens faut cogner, non, rien à voir. Non, faut pas toucher à l'aliment. Tu peux écraser en fait. Des escalopes pour faire un tonkatsu, c'est très bon. J'adore ça. D'ailleurs, je vais en préparer dans pas tard. Mais le principe de base de la cuisine japonaise, c'est d'avoir des produits avec assez peu de transformation. Et c'est pour ça qu'on mange, par exemple, beaucoup de poissons crus. Comme les fameux sushi. C'est pour ça que c'est un peu à l'opposé, en fait, de la cuisine française. La cuisine française, on est beaucoup dans la transformation. Eux, ils sont beaucoup dans la non-transformation. Du coup, tu peux faire des belles combinaisons avec ça. C'est... Tout à fait. Et c'est déjà une tradition culinaire incroyable. Hein. Une cuisine très tournée vers la mer, puisque c'est une île, le Japon. Enfin, ce sont un ensemble d'îles plutôt. Donc il y a deux légumineuses principales qui sont consommées, qui sont évidemment le riz et le soja. Le soja sous toutes ses formes, le tofu, le natto. Les edamame qui sont donc la fève de soja qu'on mange cuit à la vapeur comme on pourrait manger. Et est-ce qu'on peut manger les deux? C'est-à-dire? Le riz et le soja. Bien sûr, mais dans la cuisine japonaise, il y a plein de mélanges de faits, même en laissant un produit assez brut. Alors, ils mangent assez peu de viande parce qu'il y a beaucoup de personnes qui pratiquent le bouddhisme. Dans le bouddhisme, tu manges pas de viande. Mais il y a une autre partie de la population shintoïste qui en mange sans souci, ou même peu importe la religion. C'est les végétariens de là-bas, en fait. C'est pas vraiment végétarien. C'est qui croient à la réincarnation animale. Donc tu bouffes pas ton pote. Prochain, quoi. Tu l'as tué tout à l'heure, tu as fait rakiri, tu vas pas le bouffer. C'est animal, oui, donc ouais. Et dans la cuisine japonaise, il y a beaucoup de mélanges, par exemple, crevettes porc ou des choses comme ça qui sont des. Au début, ça peut paraître un peu yark. Mais quand on les mange, t'es là genre... Après, c'est le mélange sucré-salé, enfin qu'on connaît nous avec d'autres aliments, hein, mais... Quelques mélanges sucré-salé, mais pas tant que ça, en vrai, c'est sucré, différent. C'est très peu... Ils ont un goût qu'on n'a pas. L'umami. Voilà. Ouais, alors, eux, ils utilisent beaucoup l'umami. C'est ça. Qui est donc on appelle ça la cinquième saveur, qui est donnée beaucoup par le poisson fermenté ou la sauce de soja, tout ce qui est fermenté. Et qui est très bon, hein. C'est ce qu'on utilise aussi dans la cuisine industrielle pour te donner envie d'y retourner. Ils mangent en très petite quantité parce qu'ils mangent beaucoup de choses à la fois. Il y a peu de un plat, il n'y a pas un pot au milieu de la table et chacun se sert. C'est plutôt plein de petits assemblages. Des produits très frais. Les Japonais font beaucoup les courses. Il y a pas les dates de consommation sont très courtes, par exemple au supermarché, parce que tu vas faire les courses tous les 3 jours. Comme les apparts sont tout petits, les frigos sont tout petits. Ouais, c'est ce que j'allais dire. On voit déjà ça nous la différence entre la ville et la campagne. Et d'ailleurs, on en avait parlé. Hein. C'est vrai que quand t'habites en ville, forcément, stockage et la proximité des magasins font que tu vas vachement plus faire tes courses régulièrement que quand t'es en campagne. Il n'y a pas trop cette culture de la cuisine maison, en ville, hein, j'entends, évidemment. Il n'y a pas trop cette culture de beaucoup cuisiner, à part pour préparer tes bento, avoir ton cuiseur à riz, et une plaque et une poêle, et voilà. Mais comme la street food est extrêmement à bas coût, il y a beaucoup de gens qui mangent dehors, et qui prennent un truc à emporter, ou qui mangent au travail, ou des choses comme ça. Et oui, la cuisine japonaise, franchement, si vous voulez vous essayer, en plus... en France, on a pas mal d'épiceries asiatiques où on peut trouver sans souci des produits hyper accessibles. Mais même sans aller dans une épicerie asiatique, maintenant, il y a des rayons dans les supermarchés où tu peux très bien trouver le nécessaire de base pour faire des bento, pour faire des udon, pour faire des ramen. C'est vrai que dans les supermarchés, tu as des fois des rayons, le rayon au pays du monde, là où tu peux trouver tout ce que tu veux. Hein. Exactement, juste un peu de renseignements. Et puis, il y a des choses hyper accessibles. Enfin, je veux dire, faire cuire du riz, C'est un peu, il y a une recette particulière, mais c'est quand même assez accessible. Clairement. Par contre, je me posais une question à la campagne sur la variété que tu pouvais avoir dans la nourriture, parce que c'est vrai que le riz est quand même vachement ancré. Alors en ville, t'as 10 000 façons de le cuisiner, et puis tu dis avec la nourriture rapide, etc., t'arrives à avoir des plats complètement différents. Mais à la campagne, est-ce que les recettes sont aussi variées qu'en France, par exemple? Oh bah oui, clairement, largement. Le riz, ça reste la base principale, mais comme le pain, ça reste la base principale, et tu l'assaisonnes avec plein de trucs. Alors, il n'y a pas de... C'est pas quelque chose de problématique. D'accord. Ok. La gastronomie japonaise est plus tournée vers le salé que vers le sucré. Il y a peu de produits sucrés au Japon. Alors, c'est vrai. Oui, bah, quand non. tu vas dans un restaurant chinois ou japonais, traditionnel, ouais, mais ouais. Clairement, tu. Non, tu mais je te parle pas du tout. Non, mais parce que la cuisine, enfin, aller au Jap, comme tu disais tout à l'heure, ça n'a rien à voir avec ce qu'ils mangent vraiment là-bas. Hein. C'est oui. Non, mais c'est vrai que ça se retrouve pas, tu vois, sans parler des saveurs, hein, mais quand tu vas dans un restaurant japonais, très clairement, la carte des desserts, elle est toute petite et c'est pas sur ce sur quoi tu vas t'attarder. Non. Tu vois, clairement, c'est le plat principal ou l'entrée. L'une des raisons principales pourquoi ils aiment bien notre cuisine. Il y a plusieurs raisons d'aimer la cuisine française, mais eux, c'est l'une de leurs raisons principales. Et Audrey a totalement raison, ils sont pas beaucoup de trucs sucrés, mis à part un seul domaine. Le dernier des derniers. Non, je déconne. Le pain. Le pain part chez eux. C'est, pour les nous, melon pan. Bah ouais. Le melon pan, c'est sucré. Ouais. La plupart de leur pain, en fait, c'est sucré. Ils le consomment de la même façon que nous, c'est-à-dire pour appuyer. Non, pas du tout. C'est quasiment une sucrerie, en fait. C'est quasiment une friandise. Ok. Ça reste un bonbon. Il n'y a pas trop de cette culture du sucré. Surtout au petit-déj, le petit-déjeuner, par exemple. C'est un bol de riz avec un œuf. Ou avec du poisson, ou avec, c'est un repas complet et il y a pas de cette tradition du sucré, il y a pas de dessert. Ils ont pas de Kellogg's. Il y a pas. Dans la cuisine traditionnelle, j'entends évidemment, on peut trouver des pâtisseries là-bas aussi. Ça c'est vachement occidentalisé, hein. Ouais. Mais dans la cuisine traditionnelle, c'est vraiment un produit brut et ce qui est local, donc le sucre est pas forcément local et raffiné, mais peu de desserts, peu de sucré, à part l'anko par exemple, qui est la pâte de haricots rouges, qui est que j'adore, mis dans des dorayaki, les pancakes japonais là. J'adore ça. L'anko, c'est pas compliqué à faire non plus, faut prendre le temps, mais c'est pas compliqué du tout. Moi, j'en fais régulièrement et ça se congèle très bien. C'est ça qui est l'astuce. En fait, tu fais ta plâtrée d'anko parce que tu fais par kilo de haricots parce que sinon t'es jamais sorti de l'auberge, on va pas se mentir. Et voilà, tu utilises ta pâte et c'est une pâte qui est proche en niveau de texture de la crème de marron. Ok. Et assez sucrée, sucrée c'est comme tu veux, mais et ça se congèle extrêmement bien et c'est du coup que c'est bon sur des crêpes ou des pancakes. Miam miam miam. Rappelle-nous le nom. L'anko, la pâte de haricots rouges. Ok, très bien. Et ouais. Donc, voilà, globalement, la cuisine japonaise, c'est beaucoup de saveurs brutes, peu de travail des aliments, des produits extra frais, et beaucoup de salé, beaucoup de poisson, et le riz comme base, même si évidemment avec l'occidentalisation de la mais après on parle traditionnel parce que c'est vrai que après malheureusement ou heureusement peu importe, mais c'est un peu le cas partout dans le monde quoi. Les produits traditionnels sont aussi concurrencés par les pays du reste du monde, mais cela dit, au Japon, vu que c'est une île comme toutes les îles, c'est un peu plus... Enfin, c'est pas que c'est plus difficile. Et du coup, c'est plus cher d'importer des produits qui viennent d'ailleurs. Tu vas le voir, en fait, dans... Alors, après, excuse-moi de te couper, Teddy. Au Japon, le fait que ça soit cher, ça soit pas vraiment un problème parce que c'est quand même le troisième pays à avoir le plus gros PIB au monde. Autant dire, le niveau de vie, il est carabiné. Hein, donc, avoir des choses un peu chères, c'est pas si grave que ça. Et ils savent très bien les adapter à leur façon de faire. C'est vraiment une culture d'appropriation comme toutes les cultures au final. Comme la mayonnaise par exemple qui avait été amenée par les militaires américains ou des choses comme ça. Et ils savent très bien assimiler et retransformer pour que ça fasse quelque chose de finalement abordable. Apparemment, la mayonnaise a pris. Sur cette blague, est-ce qu'on n'écouterait pas justement une musique ? Ou plutôt deux musiques ? Imaginons que Ava Max et Justin Bieber soient une seule et même personne. Bien, ça donnerait un bootleg, Who's Losing Mood, qu'on va écouter sur Indestar. Et puis après, Jolan va nous parler des us et coutumes japonaises, qui sont, on l'a vu hein, depuis le début de cette émission, et qui sont réellement différentes de chez nous. D'ailleurs, je crois que Cindy, tu as deux, trois anecdotes aussi à nous donner sur des choses un petit peu, pour nous, bizarres, mais pour eux, non. Voilà. Insolite, c'est exactement le mot. Tout ça, c'est dans la suite de notre émission à la maison, sans oublier l'habitat, sans oublier le quiz, sans oublier plein d'autres surprises qui arrivent avant 23h minimum, les copains. Et 21h, c'est l'émission à la maison sur Indestar. Et c'est pas prêt de se terminer, 23h grand minimum ce soir, en ce lundi, pour parler du Japon, puisque c'est le thème de la soirée de cette émission à la maison, avec tout le monde, Cindy, il y a Laura, il y a Jolan, il y a Audrey, et puis Teddy qui est en studio. Teddy et son banzai, et son cri de guerre dans le japonais. Chaque fois que tu diras mon prénom, il y aura un banzai. Après un petit peu plus. De quoi, Teddy ? Chaque fois que tu diras mon prénom, il y aura un banzai. Ah oui, je vais éviter de dire le mot bip. Voilà. Ah, tu l'as bipé ? Ok. Avant de passer aux coutumes japonaises avec toi, Jolan, j'avais envie de parler un petit peu, j'allais dire du Japon, mais oui, mais de la musique japonaise, parce que Teddy, on en avait parlé dans une précédente émission de Pop Culture, mais c'est vrai que les Japonais, ils sont forts parce que ils sont très robots. Hein, y a une journaliste robot là-bas au Japon. Ils ont l'artiste qui a fait le plus de musique au monde. Super hype. Ils sont quoi ? Ils ont l'artiste qui a fait le plus de musique au monde. Enfin, artiste. Et artiste, bah oui, étant donné que c'est pas une vraie artiste, que c'est un robot. Ouais, c'est ça. C'est virtuel, c'est une chanteuse virtuelle qui s'appelle Hatsune Miku. D'accord. Et elle chante quoi ? Elle chante quoi ? Oh bah attends, si elle se trouve, t'as déjà entendu en plus. Tiens. Non, pardon. Ah bah si, c'est connu ça. Ça a été repris dans des mèmes, dans des vidéos. J'écoute tous les jours. Je connais pas du tout. J'ai déjà entendu, moi. Attends, on dirait, mais moi, ça me fait penser au poussin Piou, quoi. Non, mais ouais, d'où ? On dirait plus du tout que c'est japonais, mais breton. Alors, je peux te dire... Je peux te dire que le poussin Piou, je l'avais en CD, hein. Ce n'est pas ça du tout. Oh okay. La vache. T'es pas obligé de remettre ces gros dossiers tout seul, Teddy. Je m'en fous, j'avais que 3 CD dans ma vie. Poussin Piou, Ilona Mitrosé et Jess Blunt. Oh je non. sais pas ce qu'il foutait c'est là, pas mais. Vrai. C'est-à-dire que. Attends, qu'on soit bien d'accord, j'ai rien contre Ilona, mais bon. Voilà quoi. Mais... Et t'avais que Jess Blunt en artiste. Mais attends, on me les a offerts. On me les a offerts de contre mon gré. Je n'aimais même pas la musique, on m'a offert ça. Qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Déjà de base, si t'aimes pas la musique, au moins qu'on t'offre des choses qui te font aimer la musique. Parce que t'offrir le poussin Piou et Ilona Mitrosé, comment tu veux arriver à avoir une culture musicale avec ça, quoi ? Ah non, attends, tu auras la Queen. Attends, j'ai confondu poussin Piou et le papa pingouin, pardon. Autant ouais, pour moi, je me tais. Je me retire. C'est pareil, là, ça fait très papa pingouin. Le papa pingouin. En plus, c'était même pas la vraie que t'as eu, je suis sûr, c'était la reprise des années 2000. Bah, le vrai papa pingouin ? Non, bah si. Non, le vrai papa pingouin, il a des années 80. Non, ça c'est un truc de boomer, ça. Ouais, c'est ce qu'on dit. Bon, bref, revenons sur ta chanteuse totalement imaginaire là. Comment elle fait quand elle est sur scène ? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des concerts d'elle ? Bien sûr, évidemment, oui. Il y a des concerts. Et c'est un hologramme. Ouais, voilà, c'est ça, c'est des hologrammes, des projections virtuelles. En sachant qu'au Japon, ils ont des shows. D'artistes, de chanteurs, mais ça n'a rien à voir avec les nôtres. Beyoncé, elle peut aller se rhabiller, franchement. Non, j'exagère Beyoncé, même pas. Beyoncé, au moins, alors déjà, peut aller se rhabiller parce qu'elle est toujours en tenue courte, mais mais au moins, Beyoncé, c'est une vraie femme. Alors que là, on dirait plus un meeting de. Comment il s'appelle ce politique là Mélenchon. De Mélenchon. Ouais, Mélenchon, il a piqué l'idée quand même. De Mélenchon, en fait. Ouais, ça n'a rien à voir. Faut pas faire d'amalgame comme ça. Pas d'amalgame avec Mélenchon, s'il te plaît. On respecte un minimum. Hatsune Miku ne mérite pas. Je vois bien Mélenchon au Stade de France. Quoi. Bref. Elle y a été, elle, par contre, pas au Stade de France, mais elle a fait une tournée en France où, qu'à un moment, elle a été projetée sur une scène de France. Je sais plus laquelle, mais c'était une grande scène de France, j'imagine. T'es à Clermont-Ferrand. Non. Non. On a dit une grande scène. Attends, il y a des grandes scènes à Clermont-Ferrand quand même. Non. Non, non, je suis... Non. Clermont-Ferrand. Bon. Ça sonne même pas à musical. Dunkerque. Ça sonne C'était à Dunkerque. Non, j'en sais rien. Une petite dédicace si vous habitez là-bas. Mais bon, sachez que vous pouvez retrouver beaucoup de sons d'Hatsune Miku partout. Enfin, c'est très facile en fait. Vous en avez forcément. Enfin, forcément. Vous en avez sans doute déjà entendu sans vous en rendre compte. Parce que. Dans quoi ? Dans un dessin animé ? Pas dans un dessin animé, mais dans ce que vous regardez sur Facebook quand vous scrollez par exemple. Vous pouvez tomber sur des vidéos. Je sais pas, de. Des vidéos X ou Y, n'importe quoi. Même dans TikTok, si ça se trouve, il doit y en avoir aussi. Faut faire attention avec les vidéos X. Hein. Y, ça va, mais... Oh. Je suis d'humour. Oh là là, elle était déchaînée ce soir, la vache. Ouais, alors, pour les enfants, sachez que X et Y, c'est des jeux Pokémon. Voilà, c'est ça qu'on voulait dire. Non, c'est des chromosomes, X et Y. Non, non, non, non, c'est les jeux Pokémon, j'allais d'accord. Dire, moi, j'allais dire chromosomes aussi. Oui. Attends, j'avais 5 de moyenne en bio quand même, je connais les X et Y. Mais on a dit pour les enfants, bordel. Bah, c'est génétique. Oui, oui, mais oui, mais même les enfants, c'est génétique. Ah, on se barre trop loin du sujet. Tu t'égares, oui. Jolan, revenons-en sur la culture du Japon, s'il te plaît. Bah oui, parce que je me disais, mais quand est-ce que Jolan y parle ? Mais jamais. Je parlerai quand je pourrai en placer une, parce que c'est. Bah oui, c'est ça. Jolan, tu as 3 minutes. Sur la culture japonaise. Oui. En fait, Teddy, ça aurait dû être une émission spéciale. Teddy parle du Japon. Et. Cette émission tout seul. Et en guest star, Théo qui fait des blagues. Oh là là, l'émission. Alors Jolan, tu nous parles des us et coutumes japonaises. Qu'est-ce qu'il faut faire et ce qu'il faut pas faire quand on va au Japon? Parce que c'est vrai qu'on commet des fois des maladresses malgré nous quand on va dans un pays, quel qu'il soit. Surtout les Occidentaux. Donc il y a des codes à respecter, notamment au Japon, ouais. Ouais, du coup, il faut savoir que les Japonais ont des gestuelles très différentes des nôtres. Donc par exemple, les Japonais vont pas se faire la bise ou ce genre de choses. Parce que Covid. Oui, voilà. Le coup en ce moment, c'est un peu compliqué de se faire la bise. Ils avaient anticipé le Covid. Pour les Japonais, c'est limite proscrit, très impoli de se faire la bise. Alors, tu fais quoi comme geste amical tu fais un salut. Tu te penches et tu salues. Ah ouais, mais faut pas être trop près parce que le problème, si tu te penches trop près, tu te cognes la tête. Non, mais tu peux juste baisser la tête. Et plus tu t'inclines, plus t'es respectueux envers ton. En gros, c'est ça. Ouais. Ah, dis donc, elle s'incline vachement. Non, ça, c'est parce qu'elle a une scoliose. Putain. Oh là là, là là, là là, cette soirée va être si longue. Wouh. J'en ai déjà marre. Salut Audrey. Et faut savoir aussi que les Japonais, bon, ça c'est qu'au Japon, parce que dans notre pays je n'ai pas vu ça. Avant d'entrer dans les maisons, ils déchaussent leurs chaussures. Ah oui, je voulais en parler d'ailleurs tout à l'heure. Parce que t'as carrément une mini pièce en fait qui est en. Oui, qui est réservée spécialement pour les chaussures. C'est ça. Et après, tu montes une marche pour entrer dans la maison. Ouais. Et dis-toi d'ailleurs, je vous en parle de ça parce que j'ai été en Asie et j'ai forcément visité des temples. Donc, je devais aussi enlever les tongs ou les chaussures à l'entrée. Mm-hmm. Et le sol était brûlant. Alors, tu te laisses imaginer marcher sur le goudron pieds nus, c'est super sympathique. Ah bah ouais, bah après, je pense que tes pieds s'y font. Tu cours pour aller chercher un canon. Bon, t'as l'air un peu con, mais ça roule. Les... Ah oui, non, mais c'est sûr. Bah, comme sur la plage, tu sais, à un moment donné, quand t'es pieds nus et que sur le sable brûlant, t'es là, tu fais aïe, aïe, aïe, aïe, aïe. Même chez nous, vous enlevez vos chaussures avant de rentrer chez vous, non ? Ouais, ah, mais non, c'est pas culturel en France. Les Européens le font, comment dire, c'est. Parce que marcher avec ses chaussures qu'on traînait dehors, c'est dégueulasse, hein. Oui, mais on n'a pas de pièces spéciales pour les chaussures. Enfin, non, là, il y a la pièce chaussures. Des étagères, ils font des concours de chaussettes. Puis c'est pas culturel en France. Eux, ils ont fait ça depuis la tradition. Ça, on l'a fait le concours de chaussettes dans ActuSolid aussi. Hein. Ah, moi, ça me met hors de moi. Quand tu vois dans les films américains les gamins avec leurs godasses sur leur lit, je suis là, genre, mais enlevez vos chaussures. C'est vrai que c'est un peu énervant. Qui garde les chaussures à la maison parmi vous, là? Non, moi j'ai pas les chaussures mais les chaussons, je sais pas si. Oui, bah, les chaussons. Bah oui, c'est normal, c'est fait normal. Mais je sais que dans ma famille en Angleterre, genre en fait, ils avaient pour habitude de garder leurs chaussures mais au rez-de-chaussée et à l'étage non. Oui. Ouais. OK. Quand j'étais jeune, quand j'habitais chez mes parents, c'était la même chose. Pas de chaussures à l'étage dans les chambres et tout ça. Par contre, en bas, ouais. Mais c'est vrai que pour le ménage, c'est quand même vachement plus cool d'enlever les chaussures à l'entrée, quoi. Ouais, du coup, sinon, t'es toujours en train de, passer la serpillière. Et ce qu'il faut savoir aussi au Japon, c'est que il faut faire attention à notre comportement. Par exemple, on peut avoir des réactions, nous, les Occidentaux, enfin les Européens, quand on s'énerve dans notre voiture, on fait des grands gestes ou ce genre de choses. Bah, ça peut être complètement étranger aux Japonais, ils comprennent pas pourquoi on. Ah bah, d'une manière générale, je pense que tu n'existes pas au Japon. Pour eux, on passe un peu pour des gogoles, quoi, tu vois. Pour des Français. Voilà, ah, même les Français entre eux, moi, quand j'en vois gueuler tout seul, je me dis putain, mais quel con. En fait, les Japonais sont très, très comment dire, respectueux. Il y a énormément de respect, de politesse que nous, Européens, on n'a pas forcément. Ouais, j'ai vu des scènes par exemple dans les métros japonais. Ouais, bah, du coup, j'allais y venir en fait dans tout ça. Et ce qu'il faut savoir aussi, bah, c'est qu'il est interdit de fumer dans les lieux publics, de s'embrasser en public. Et si on est en couple aussi, il faut éviter, genre, de se galocher en public. Je suis un peu grossier sur les mots, hein, mais c'est crée. Ah, tu t'embrasses pas du tout en public, quoi. C'est ouais, malvenu. Il faut vraiment être le plus discret possible, éviter tout contact physique en pleine rue, en fait. Mmh. Est-ce que t'as le droit de t'envoyer des textos avec un petit cœur? Oui, ça t'as le droit. Le mot emoji, ça vient de là-bas. Je veux tester la limite des Japonais. Et puis, du coup, on en vient au transport en commun, justement. Comme je disais, les Japonais sont organisés. Et forcément, les gens descendent des trains, les gens s'écartent. Et j'ai vu des vidéos, comme tu disais, Théo, sur YouTube, qui sont très impressionnantes. Des Japonais qui, aux heures de pointe, à midi et tout, qui s'écartent pour laisser passer les gens. Et c'est respecté dans à peu près toutes les grandes villes du Japon, quoi. C'est ça. C'est vraiment très impressionnant, je trouve. Nous, tu mets des lignes là. On les respecte pas. On devrait, parce qu'en plus il y a une grande menace. Et les Japonais, comme ça, instinctivement, boum, ils s'arrêtent à la ligne, quoi. C'est ça. Et du coup, ce qu'il faut savoir, quand on est dans les transports en commun, comme dans tous les transports en commun dans tous les pays, on n'a pas le droit de passer de. Enfin, on évite de passer des coups de téléphone. On évite de manger aussi dans les transports en commun. Enfin, il faut vraiment être le plus discret possible, quoi, en gros. Ouais, mais c'est quoi l'idée, en fait? C'est de passer inaperçu, finalement? En gros, c'est ça, ouais. C'est pas déranger la communauté. Ouais, surtout pas déranger. De vivre en communauté sans la déranger, tu vois. En gros, c'est pour ça qu'il y avait une polémique, et il y a toujours une polémique au Japon, des attouchements dans les transports en commun, parce que justement, ils ont pas le droit. Ils doivent pas déranger, donc forcément, il y en a, ils ont tendance à se taire alors qu'il faudrait qu'ils parlent. Ouais, mais en plus, oui, ça existe. Enfin, après, est-ce qu'il n'y a pas le symptôme du c'est interdit, donc on dépasse les limites? Ah, peut-être. Ce que je veux dire, c'est-à-dire que plus on laisser des gens dans des transports en commun, c'est pas dépasser une limite, c'est être un fait. C'est illégal et être un fief et connard, en fait. Bien sûr, mais le fait que ça existe beaucoup au Japon, je me pose la question du. C'est parce qu'ils ont beaucoup de frustration. Plus c'est strict, oui, c'est ça. Plus t'as envie de dépasser les limites, et est-ce que on retrouve pas ça dans le système japonais? C'est peut-être une frustration refoulée, mais enfin ça excuse pas, hein, clairement. Mais c'est vrai que dans le système japonais, ils ont beaucoup de. Ils ont pas de liberté d'expression, on va dire. Quand ils sont en public, bah tu dois être comme l'a dit Jolan, le plus discret, le plus respectueux, le plus non dérangeant pour la communauté. Donc tu n'as pas le droit de faire quoi que ce soit. T'extériorises pas ta colère. Ouais, bah oui. Tu renfermes ça. Et à un moment donné, comme pour le suicide, alors c'est l'extrême, hein. Oui, mais pourquoi il y a un grand taux de suicide aussi? Est-ce qu'il n'y a pas une manière de non expression? Il y a peut-être une envie de. Enfin, j'ai parlé du gouvernement pour le coup, mais de contrôle sur la communauté par rapport à ces lois-là, je pense. Oh, ça c'est quand même. Oui, si. C'est quand même très. Des restrictions assez droites, quoi. Je veux dire, c'est quasi. Je dirais que ça vient. Oui, je dirais pas que ça vient du gouvernement, mais ça vient plus de la tradition. C'est la tradition plutôt que le gouvernement, mais. Ouais, bah ouais. Et le côté traditionnel fait que, en fait, autant notre gouvernement, il galère à mettre en place des choses qu'on va respecter, autant là-bas, ils s'en foutent. Ils pondent un truc, tout le monde le respecte. C'est vrai. Déjà, même quand il n'y avait pas le Covid, eux portaient le masque, donc. Ouais, c'est ça. Mais. Enfin, je veux dire, nous, on est des gros crados, c'est tout. Oui, voilà. Oui, mais c'est vrai que le coup du masque, et je suis le premier à le reconnaître, il y a un an, en voyant les Japonais porter leur masque, etc., je m'étais toujours dit, mais moi, jamais je ferais ça, quoi. Et aujourd'hui, on est tous à le porter parce qu'il faut qu'on le porte, hein, mais voilà. En tout cas, pour conclure, les Japonais sont très rigoureux, respectueux. une autre mentalité que les Occidentaux. Si, j'ai un petit truc. Que nous sommes. Voilà. Comme t'es dit. J'ai un petit truc à rajouter aussi par rapport à leur manière de se moucher. C'est assez drôle. Ah oui, tu te mouches pas en public. Quoi. Ouais. Oui, c'est vrai que j'en ai pas parlé. Jamais tu te mouches en public, mais c'est interdit par la loi. Sale. Mais ouais, comment tu peux, mais tu renifles. Tu renifles. Ouais, tu renifles. Chez eux, c'est normal. Alors, on t'interdit de renifler en France et t'imagines le japonais qui vient en France. Alors, c'est pas interdit, c'est juste que c'est mal vu. C'est dégoûtant. Oui, bah, voilà. Ouais, enfin, en vrai, moi, je préfère quelqu'un qui se mouche plutôt que quelqu'un qui renifle. Parce que c'est culturel. C'est une question d'habitude. Si t'avais été éduqué en mode non, te mouche pas, renifle, bah, tu En fait, si ça se trouve, les Japonais ils trouvent ça. Tu fais beaucoup de bruit quand tu manges. Ouais. C'est pareil au Japon, tu fais beaucoup de bruit quand tu manges. Parce que tu manges très chaud et pour aérer la soupe, bah, tu fais beaucoup de bruit et c'est normal. Et c'est pas genre impoli ni rien. Non, mais t'imagines l'hiver dans une classe où t'as 15 gamins qui sont enrhumés, t'as 15 gamins qui sont. Bah, d'ailleurs, en parlant de classe. Ça doit pas être très agréable quoi. En parlant de classe, au Japon, ils ont pas de service de nettoyage des lieux scolaires. Ça existe pas. Ah bon, non, c'est les élèves qui nettoient. C'est les élèves et les profs. Ouais. Ah. Ouais. Tous les soirs, à chaque fin d'école, ils nettoient leur salle de classe. Mais tu sais que, mine de rien, moi, je trouve que ça, c'est très, très bien. Parce que ça permet de créer d'instaurer le respect. Ouais, c'est ça. Tu respectes les lieux publics. Ça permet de se responsabiliser un petit peu. Mais par contre, parce que dans la journée, si tu fous plein de crasse partout et que t'es en mode bah vas-y, je m'en fous, de toute façon, ça c'est une grande chance. Et bah, comme en France, ça peut prendre un peu. Que ce soit à la maison ou à l'école. Ça peut prendre conscience un peu de tes actes en fait. Ouais. Que ce soit à la maison ou à l'école, ils t'apprennent à vivre en communauté. Parce que tu peux faire des conneries. Et bah, tu vas forcément devoir les nettoyer après en fait. Donc, ouais, c'est ça. Vas-y, tag la voiture, mais tu vas la nettoyer. Donc, ah du ouais, coup, c'est tu ça. Non, mais c'est bien sûr. C'est quelque chose qu'on pourrait transposer dans nos classes françaises aussi. Enfin, je veux dire, si chaque élève nettoyait sa table, voilà, sa même chaise. Même s'il y avait un service de nettoyage derrière, mais si on devait le faire, comme tu dis, par exemple, en sortant de cours, ce qui serait vachement hygiénique, hein, c'est-à-dire que pas forcément beaucoup, mais de passer un petit coup sur sa table en sortant de cours, ça permet que celui qui arrive derrière, il trouve un pupitre propre. Ouais, ils n'ont pas poussé le vice aussi loin. Ils font ça à chaque fin de journée. Ils font pas ça à chaque changement de classe. Ça, c'est un truc qu'on fait dans mon école. Ah ouais ? Mais oui, avec la situation Covid ? Non. Parce qu'en fait, si tu veux, la directrice a eu une super idée. Et franchement, je trouve ça génial. C'est que dans un tournage, tu as un département qu'on appelle la régie. Qui est super mal vu et généralement c'est eux qui sont ils s'occupent de plein d'autres trucs, mais tu les retiens pour deux choses, c'est la bouffe et le ménage. Et alors qu'ils font tout ce qui est autorisation et tout ça aussi. Ouais. Et du coup en fait elle nous fait ça pour qu'on prenne conscience de l'importance de la régie et tout ça. Respecter les régisseurs. C'est des petits trucs interludes régie si tu veux. Et c'est les quatre classes qui ont un jour désigné dans la semaine pour faire le ménage le soir. Ouais, c'est effectivement je trouve que c'est un vachement beau geste. Respecter la régie. On devrait tous faire ça, non mais dans toutes les professions etc. Mais savoir ce que fait le voisin, c'est vachement intéressant parce qu'on prend conscience de la tâche qui est difficile etc. Et là par rapport au ménage, et ben on fait attention quand on met des ordures. Après, voilà, il y a un certain respect aussi derrière. Quoi, tu vois. Ah ouais, mais c'est tout à fait ouais, ça. Ouais, bah ouais. Ouais. Après, il y en a qui se barrent à chaque fois et c'est toujours les mêmes. Oui, bah, bien du sûr. Du coup, sur les tournages, ils ne font pas gaffe, quoi. Jolan, tu voulais rajouter quelque chose Non, bah, tu dis bien fait de parler du mouchoir parce que je t'avoue que je ne l'ai pas évoqué. Mais sinon, j'ai fait le tour. Mais nous, en tout cas, au Japon, les Occidentaux sont un peu mal vus et comme disait Audrey, on n'est pas très propre. Malheureusement, on le sait, mais on peut y travailler. Hein. Travaillons-y. Faire attention à tout ça. On écoute Chifla qui reprend Rihanna et Eminem. Elle reprend les deux, c'est ça qui est cool. Love the way you lie. Et puis après, Laura, tu vas nous parler de la popularité du Japon, d'où elle vient, d'où elle sort cette popularité japonaise. Et puis on t'oublie pas non plus Cindy, hein, parce qu'avec tes petites anecdotes, on a croustillantes qu'on a envie de connaître tout à l'heure sur les spécificités japonaises. Il y a l'habitat japonais qui arrive également et le quiz en fin d'émission. Tout cela après Chifla, Love the way you lie sur Indestar. L'émission à la maison, c'est sur Indestar. Bienvenue chez vous. Exactement, et c'est normalement 23h, mais à mon avis, Mon petit doigt me dit qu'on va les dépasser ce soir, comme tant d'autres soirs. Vous êtes en tout cas sur indestar.fr pour cette émission à la maison spéciale Japon ce soir. On a traversé pas mal de pays pour arriver là-bas. Où le Japon est venu à nous, d'ailleurs, parce que la culture japonaise vient de plus en plus à nous et dans tous les pays du monde. Mais alors, d'où vient la popularité du Japon ? Tiens, au hasard, j'ai envie de te poser la question, Laura. Ah, au hasard, bah oui, c'est vrai, ouais, que c'est pas du tout dans le programme de ce soir. Oups, je me réveille et je vais vous dire pourquoi le Japon est populaire. Oui, en fait, quand on m'a annoncé le thème de cette émission qui est le Japon, j'étais en fait, le Japon, je connais pas grand chose, hein, à part Pokémon et Mario, je veux pas aller bien loin. C'est déjà pas mal. Violence! Mais je suis... Oui, non, mais enfin, je veux dire, en mode, je connais que ça. C'est pas en mode, il y a que ça. C'est que je connais que ça. Et encore, je connais parce que j'y ai joué, mais vraiment très peu, quoi. Donc, loin d'être une experte, au contraire. Et je me demandais, justement, pourquoi aujourd'hui, le Japon et sa culture sont si populaires. Déjà, il y a un premier constat qui se fait, c'est que le Japon, c'est un pays, comme vous le disiez tout à l'heure, vous tous, qui mêle la tradition, donc avec les samouraïs, geisha, la nourriture traditionnelle, etc., qui mêle la tradition et la pop culture, qui est beaucoup plus récente, à savoir les animés, les mangas, la mode kawaii, etc., etc. Alors, la liste est longue comme mon bras de tout ce qui est pop culture japonaise. Et d'ailleurs, pour la petite info... Il a le bras long. Bah oui, le Japon, c'est un bras de 2 mètres. Hein. Non, mais j'avais une info qui est sortie tout à l'heure, mais je l'ai perdue du coup. C'est officiel, One Piece est le manga qui s'est le plus vendu au monde avec 500 millions de ventes. D'exemplaires. C'était quoi cette chose derrière ? Oui. C'est pas moi. Pardon. Ça s'est déclenché tout seul. Excusez-moi. Chez. Ah d'accord. Chez Audrey. C'est pas bien. Non mais je pensais que c'était un bruit japonais, mais alors rien à voir. Ah, tu envoies un bruit japonais ? Tu prends vie toute seule. D'accord. Allez, bruit japonais. Bonsoï ! Pardon. Oui, on a vu que ça va bien se passer. Non, ça se passe mal. Je disais que One Piece, c'est officiellement le manga le plus vendu au monde avec 500 millions d'exemplaires vendus à travers le monde. Et l'auteur en est à son 1005e chapitre de vendu, wow, sachant qu'il reste encore 3-4 ans de manga de cette série à venir. Voilà, donc pour ceux qui veulent commencer One Piece, et vous pouvez le faire pendant longtemps. Vous l'avez jusqu'au bout de la nuit. Attendez le troisième confinement. Oui, ouais, c'est ça, un nouveau confinement, ça va vous faire ça. Ouais. Ouais. C'est ça, donc en fait, il y a ce succès qui est là, on le sent. Et je me suis promenée un peu sur le YouTube pour en savoir plus. Je suis tombée sur une chaîne qui s'appelle Japonia, qui n'a pas forcément beaucoup d'abonnés, je ne sais plus le nom, le nombre d'abonnés, mais en fait, c'est un jeune étudiant, je dirais, qui interroge, qui fait souvent des micro-trottoirs sur les Japonais. Les Japonais, sur les Japonais. Et là, la vidéo, c'était pourquoi le Japonais a-t-il du succès ? Donc, c'est les Japonais qui répondaient et leurs arguments, c'était déjà, on a des beaux paysages, les temples, les sanctuaires, le mont Fuji, ça c'est vrai. La nourriture qui s'est popularisée, notamment les ramen, sushi et autres choses dont tu nous as parlé. dont tu nous as parlé tout à l'heure, Audrey. Il y a les gros succès commerciaux aussi, comme Pokémon, Naruto, Hello Kitty. Pokémon, qui d'ailleurs s'est exporté dans 65 pays et qui a été traduit dans plus de 30 langues. Donc vraiment, le succès est mondial. C'est aussi un peuple, comme les Japonais le disent eux-mêmes, qui a le sens de la fête. Enfin, on voit, ils sont souvent déguisés, ils ont beaucoup de cosplay. Même pour Halloween, on voit dans les rues, il y a tout le monde qui est absolument déguisé. Tu fais ça en France, mais t'es un gamin ou quoi ? Enfin, c'est vraiment pas la même ambiance. On sent le sel dans sa voix. Mais ouais, mais j'ai vécu ça une fois, genre un Halloween où j'étais déguisée et tout en Blanche-Neige sanglante et tout ça, j'étais trop fière. Et puis mes copines aussi, on était toutes les trois déguisées. Et du coup, il y avait des gens qui nous regardaient. Mais t'as des mecs, tu fais quoi le soir de l'Halloween pas déguisé ? C'est-à-dire que si tu te déguises pas à Halloween ou à Carnaval, tu te déguises jamais. Hein. T'as pas de vie. Non, mais c'est ça. Les autres, t'es un pauvre mec, t'as pas de vie. Non mais ouais, mais le regard moqueur en mode mais j'ai droit de technique infaillible si les technique infaillible si les gens t'emmerdent comme ça et t'adressent la parole plus ou moins ouvertement, tu dis que c'est pour faire parler les cons, tu vois, ça marche. C'est nul. J'adore. Aussi, quelque chose dont on parlait tout à l'heure, notamment avec Jolan, c'est que les Japonais disent eux-mêmes qu'ils ont un grand sens de la propreté, mais aussi de la sécurité. Il y avait une Japonaise dans cette vidéo qui disait « Personne ne touchera à ton téléphone si tu le laisses. En fait, ni à ton sac à dos, ni à ta valise. Tu peux laisser tes affaires traîner partout, personne ne va te le voler, même en pleine rue. » Et ça, je trouve ça incroyable. Mmh. Franchement, ça donne vraiment envie d'y aller juste pour ça, de te dire « Mais t'as une totale liberté. » Cool, ouais. Ouais. Les gens vont être respectueux envers toi, ils vont être polis, ils vont pas te faire chier. Ça, c'est vraiment un argument de vente chez moi. Non, mais tout à fait. Et en fait, d'avoir une vie plus paisible, plus tranquille, quoi, de se dire, on n'est pas obligé de penser à avoir. Enfin, bon, vaut mieux fermer sa porte en sortant, mais c'est le principe, tu vois, de dire, ouais, si j'oublie ça, machin, peu importe. En fait, je sais que j'ai pas à me soucier de ça, quoi. Oui, totalement. Enfin, je veux dire, alors qu'en France, dans mon éducation, on nous disait garde ton sac proche de toi, fais attention, il y a des pickpockets. Dans d'autres pays occidentalisés, ayant été aux États-Unis aussi, j'avais peur, genre en plein New York, de me faire voler parce que c'est courant là-bas. Enfin, il y a totalement un autre esprit qui se dégage du Japon, et c'est ça, je pense, qui a forgé sa popularité aussi. Mais du coup, la question, c'est ok, il y a un succès aujourd'hui, mais depuis quand il y a ce succès-là, justement? Je sais pas si vous avez une idée depuis quand Moi j'en ai une petite. Ouais, à vous. Ouais, je dirais année. Enfin, déjà il y a tout. Enfin, il y a une période qui historiquement fait que le Japon était fermé au reste du monde. Donc forcément durant cette période-là, c'était compliqué de s'exporter. Mais après, à la fin des années 70-80, je pense après qu'on a commencé à voir arriver la culture japonaise en France. Par différentes manières, hein, par exemple l'automobile pour ce qui me concerne, enfin ce que je connais, hein, mais ça arrivé dans fin des années 70, début des années 80, où vraiment on a commencé à voir le secteur du marché automobile japonais arriver sur le territoire. Moi je pense que c'est totalement ça, ouais. Excuse-moi, t'es Didi. J'allais dire c'est l'après-guerre en fait, parce que avant la guerre, enfin c'est pas qu'ils étaient pas connus, mais ils avaient tendance à rester dans leurs îles en fait, tout simplement. Et pendant la guerre, surtout à l'époque, les moyens de communication étaient moins denses qu'aujourd'hui. Enfin, je veux dire, dans la guerre, t'avais du mal à savoir ce qui se passait au Japon. Là, aujourd'hui, avec internet et compagnie, la diffusion est énorme. Ils ont eu une période, c'est un phénomène, j'ai plus le nom en tête, peut-être que Audrey tu vas pouvoir m'aider, mais pendant une période, ils ont fait une croissance interne en fait. Ah oui, ils étaient complètement fermés. Ouais, voilà. C'était une méthode pour eux. Nous, on a cherché l'exportation. Ils se sont dit non, nous, on va fermer justement plutôt les frontières et faire de la de l'autarcie. Comme Trump voulait faire. De faire. Comme de Trump l'autarcie. Voulait le faire, mais oui, c'est plus que de l'autarcie. C'est. Ouais. Mais ouais, il y a eu ça pour après mieux arroser le monde entier avec leurs produits, et notamment c'est pareil. On parle de culture avec l'électronique. Hein, j'ai parlé de l'automobile, mais l'électronique, tous les magnétoscopes, les caméscopes, tout ça qui sont arrivés, les Sony, les Toshiba, etc. C'est arrivé sur le marché français et mondial hein, d'ailleurs, et ça fait très mal. Hein. Totalement. Donc oui, effectivement, ça date plutôt des années 80, notamment pour la pop culture ou même les grandes marques commerciales. Tu disais de l'automobile, de l'industrie, de la technologie, etc. Mais surtout, ouais, c'était dans les années 80, les succès d'animés comme Goldorak, par exemple, pour ceux qui connaissent, donc pas moi. Moi. Il y a une explosion de la culture pop à ce moment-là, et même à cette époque-là, Ségolène Royal voulait supprimer la diffusion de ces animés qu'elle jugeait trop violents. Ouais. Pour elle, ça n'a pas fonctionné. Hein, mais surtout, ce qui est assez marrant et ce qui a été décrit par le youtubeur Joueur du Grenier, c'est que Ségolène Royal disait ça, mais en fait, même si dans les animés il y a des combats, il y a des valeurs qui sont défendues dedans. Enfin, c'est travailler dur, c'est défendre ses amis, mais c'est aussi devenir le pas. Meilleur dans son domaine. Ben oui, c'est ça, c'est vraiment ils font pampan, mais enfin je veux dire, quand on regarde des fables et compagnie, enfin tout est violent, et tout est violent pour les enfants. Elle a eu la peau quand même de Dorothée. Alors ça s'est fait que beaucoup plus tard, hein, parce que ça c'est arrivé par le club Dorothée réellement en début des années 90 avec TF1. Et oui, il y a eu des mouvements politiques, des pétitions, des choses qui ont été faites pour arrêter ça. Mais c'était déjà trop tard. Mais finalement, ça s'est quand même fait. Après, c'était trop tard dans le sens où la culture japonaise était bien ancrée et ça s'est pas arrêté. Ça s'est transmis par d'autres biais. C'est ça, totalement. Ça s'est transmis par d'autres biais. Et puis, comment dire, il y a eu un succès des dessins animés et de la culture japonaise pour les valeurs qui ont été transmises, comme je disais, mais aussi une des valeurs qui est devenir le meilleur dans son domaine. C'est notamment ce qu'explique sur sa chaîne YouTube Orbis. Bon, je connaissais pas ce monsieur, mais il a fait une vidéo détaillée sur le pouvoir culturel du Japon analysé, qui est vraiment génial, très bien sourcé, même sur des ressources universitaires, etc. Et en fait, il dit dans sa vidéo qu'il y a Anne Allison, une anthropologue spécialisée de la culture japonaise, qui dit qu'en fait, devenir le meilleur, c'est quelque chose qui est très ancré dans les dessins animés de cette époque-là japonais. Ça s'appelle la perversité polymorphe, donc perversité pas dans le sens qu'on peut l'entendre. En fait, c'est le stade primitif de l'inconscient de l'être humain, et en fait dans ce stade primitif, nous avons des désirs d'identité multiples. On a envie d'être tout puissant, on a envie d'être quelqu'un d'autre. C'est un peu un stade qui se fait au moment de l'enfance-adolescence, donc moment où on regarde ces dessins animés là. Et c'est vrai, parce que c'est quelque chose auquel on accroche rapidement, parce que bah notamment par ces dessins animés là, on peut devenir le meilleur dresseur, on peut devenir le roi des pirates. Enfin, je veux dire, il y a toujours quelque chose qui dit j'ai trop envie d'être comme lui, et on devient automatiquement fan. C'est comme finalement les super-héros qu'on voit chez Marvel, en fait. C'est un peu cette même mécanique là de personnages auxquels on a envie de se rattacher, auxquels on a envie de ressembler. Exactement. Ouais. Et par contre, est-ce que le côté pervers de ça, c'est pas justement malheureusement jusqu'à pousser au suicide parce que je veux être le meilleur, donc faut que je réussisse, et si c'est pas le cas, de se sentir en dessous, quoi. Bah oui, il y a toujours ce risque-là. Enfin, quand on se fout trop la pression qu'on est perfectionniste, que ce soit côté japonais ou côté occidental, oui, c'est vraiment une pression qui pèse sur les épaules de beaucoup de personnes. Oh. Ça, et bon, les plus jeunes, hein. Oui, aussi, c'est certain. Mmh. Mais du coup, ça, c'est une des raisons pour, enfin, pas le suicide, une des raisons pour lesquelles le Japon a du succès, c'est pas pour le harakiri, c'est pour sa pop culture, mais c'est aussi justement par le fait que le Japon ait su garder certaines de ses traditions, et notamment, ça s'est beaucoup retranscrit via les dessins animés des studios Ghibli, avec beaucoup de personnages non humains qui cohabitent avec des personnages humains, et ça vient de la religion. En fait, le Japon est un mixte de deux religions. En fait, c'est un métissage entre la religion bouddhiste, qui croit en la réincarnation, et l'annihilisme shinto, qui croit que la nature et les animaux ont un esprit. Donc en fait, c'est cet esprit-là très particulier qu'on retrouve dans les dessins animés des studios Ghibli, et qui justement nous fascine, parce que c'est vraiment un appel vers l'ailleurs, vers quelque chose d'assez étrange pour nous, et qui a eu du succès finalement. D'accord. Voilà, qui est très différente de la culture occidentale. Et d'ailleurs, il y a des chercheurs qui disaient, bah en fait, il y a certes l'hégémonie des États-Unis d'un point de vue culturel, mais il ne peut pas statistiquement y avoir un seul pays qui domine le monde d'un point de vue culturel. C'est pour ça que le Japon a su s'immiscer dans cette partie-là aussi, enfin en se disant, bah nous aussi on a une culture et on la revendique, et ils l'ont très bien fait. D'ailleurs, en fait, ça devient au final un outil politique qui s'appelle le Cool Japan. En fait, c'est un terme qui s'est politisé, mais qui a été repris suite à un article dans le journal britannique The Guardian. En fait, il y a un journaliste qui a appelé la tendance de la pop culture japonaise la Cool Japan, et en fait les politiques japonais aujourd'hui l'utilisent en plusieurs étapes. En gros, bah en fait, il y a l'étape de la diffusion de la pop culture, donc avec des grands succès commerciaux comme Pokémon, One Piece, etc. La diffusion de grandes marques automobiles, Toyota, Mitsubishi, etc. Et la diffusion du tourisme, et notamment des événements sportifs. Donc en 2019, il y avait la Coupe du Monde du rugby. En 2020, devait se tenir les Jeux Olympiques. Donc en fait, il y a ce soft power culturel qui se met en place petit à petit. Et par contre, les seules limites qu'on pourrait trouver justement à ce succès de la culture japonaise, c'est qu'il y a un Japon de l'envers et de l'endroit. Comme le disait le géographe Yves Gervaise, le Japon de l'envers, c'est que finalement le Japon est devenu un mix de l'Occident et de l'Orient, et que parfois il s'est un peu trop occidentalisé. On le remarque notamment dans les grandes villes japonaises, où en fait il y a cet esprit de surconsommation qui vient un peu gangréner les esprits. Il y a ce Japon de l'envers. C'était totalement pas le cas avant, et qui avec cette occidentalisation le devient. Donc ça, Ouais, c'est. Enfin, je comprends. Après, je pense que c'est malheureusement le cas de beaucoup de pays qui sont soit qui ont été colonisés, soit qui se sont ouverts rapidement, etc. Et du coup, ils ont été appâtés un peu par par la culture extérieure et quitte en oubliant un peu la leur. Ça, totalement. Enfin, après, justement, la force du Japon, c'est que. Ils ont su s'adapter au côté occidental, mais ils gardent toujours leur côté tradition, c'est le Japon de l'endroit. Donc avec les temples, les endroits naturels, les traditions qui restent toujours bien ancrées. Et c'est ça qui fait la force du Japon, c'est que c'est un peu... comment dire, quand on va au Japon, c'est vraiment aller ailleurs. Pour nous, Européens, c'est vraiment aller au-delà de nos propres traditions. Mais on s'y retrouve un peu, finalement. Et c'est des choses qui ont marqué notre enfance, notamment les mangas, les dessins animés, etc. Donc, c'était en même temps être chez soi et être dépaysé à la fois. Et je pense que c'est ça la plus grande force du Japon, à mon sens. Ok. C'est beau. Par contre, il y a un petit point, si je peux rajouter. C'est, on va dire, c'est le point sombre de cette histoire. Parce qu'il y a un truc qu'on n'en parle pas souvent, mais après la guerre, le Japon, il a été quand même pas mal occupé. Et il l'est encore occupé par les Américains, notamment sur l'île d'Okinawa. Ça fait jaser beaucoup et c'est ça aussi qui a amené quand même pas mal de pop culture par chez nous, parce que forcément nous on est très friands de tout ce qui est États-Unis. Ah oui, tu veux dire par ce biais-là les Japonais qu'on transmis aux Américains, les Américains qui l'ont ramené dans leur pays. C'est clairement ça. C'est pour ça que je disais après la guerre. Non mais je vois, ouais. Avant le tout communication, on va dire, sans parler de mondialisation, mais les Américains, ils ont trouvé des choses pas mal en fait au Japon. Ils ont trouvé des trucs qui leur changeaient totalement de leur point de vue. On va pas se mentir, quand même, les États-Unis sont quand même assez proches de notre façon de vivre. Enfin, je pense. C'est occidentalisé contrairement à la culture asiatique. Oui. Oui, mais après, c'est vrai qu'on pourrait faire le même parallèle avec le débarquement américain en 45, qui a amené aussi chez nous vachement de culture américaine qu'on n'avait pas, quoi. Complètement. C'est tout ce que je voulais dire. D'accord, très bien. Alors moi, j'ai hâte d'avoir les petites anecdotes croustillantes de Cindy dans un instant, le quiz en fin d'émission, l'habitat aussi, et Anna Free maintenant. Avec California, on retourne en Amérique. California d'Anna Free sur Indestar dans cette émission à la maison. Parce qu'on est cons ou confinés, l'émission à la maison, c'est jusqu'à 23h sur Indestar. À chaque fois qu'on passe cette chanson, à chaque fois tu me bouffes la fin, Teddy. Ouais. Oh là là, la plus belle, Anna Free avec California sur Indestar. Dans cette émission à la maison sur le Japon ce soir, c'est le thème. On va parler de l'habitat japonais, mais avant, j'aimerais revenir sur les petites anecdotes de Cindy sur des choses qui peuvent nous sembler un petit peu étranges pour nous, Européens et Français, mais qui là-bas sont normales. Comme quoi, par exemple, Cindy ? Banzai ! Non. Wow ! Calme-toi ! C'est normal, ça, là-bas. Le cri de guerre à 22h54. Par exemple, tu as le droit de dormir au travail parce que c'est signe que tu as beaucoup travaillé. Ça, c'est cool, ça. Voilà. Donc, c'est pour ça que souvent, par exemple, quand tu prends le métro ou ce genre de choses, tu vois beaucoup les Japonais dormir parce que être Japonais, ça fatigue. Ils travaillent énormément. Et pareil, les étudiants passent plus de temps à dormir en cours et ça ne dérange absolument pas les professeurs parce qu'ils partent du principe que si tu dors, c'est que tu en as besoin, c'est que ton corps doit récupérer et donc, du coup, c'est que tu travailles. Si seulement il pouvait avoir le même discours en France. Et oui, parce que les journées sont carrément moins chargées en France quand même. Ah oui, on est d'accord. Mais si ça se trouve, le japonais, là, il a juste fait la fête hier soir. Hein. Tu sais pas, ça se trouve. Hein. Pas sûr qu'il a le droit de sortir. Hein. C'est pas qu'il a le droit de sortir, c'est qu'il a pas beaucoup de plage horaire en fait, de temps libre. C'est aussi simple que ça. Il a peut-être 6 heures au grand max, et puis voilà. Tout le reste, c'est... Ouais, non, clairement, c'est même pas abusé. Il y en a, ils enchaînent études et petits boulots pour payer leurs études. Un reportage sur les emplois du temps des étudiants. Et effectivement, c'était cours de la journée, cours du soir, limite cours de la nuit. C'est n'importe quoi. Hein. Enfin, c'est... Heureusement qu'ils ont le droit de dormir, quoi. Ouais, et encore, ils ont 4-5 heures et c'est bon, et c'est reparti après. Alors, deuxième petite drôlerie du Japon, il y a un Japonais qui a survécu au naufrage du Titanic Et lui, il a eu le bol de survivre à ce naufrage, selon notre point de vue. Mmh. Et ben, selon le point de vue des Japonais, c'est un lâche. Oui. Ouais, quoi ouais, ouais. Il aurait dû faire harakiri. Mais genre, il aurait pas dû monter sur la planche. Non, genre, il aurait dû mourir. Bah, parce que ça veut dire que si t'es dans un événement malheureux, t'as pas le droit de t'en sortir, quoi. Bah, c'est ça, parce qu'en fait, genre, comment est-ce que tu peux te sentir, enfin, avoir encore légitime. Ton honneur derrière, alors que derrière, enfin, tous les gens sont morts, sauf toi, t'es le seul. Ouais, mais alors après, on peut se poser la question, parce que toi, t'arrives, t'es sauvé du naufrage du Titanic, ok, t'arrives sur la terre ferme, bon, tu t'en es sorti, mais à ce moment-là, tout le monde peut se poser cette question. C'est-à-dire que si t'as eu un naufrage où il y avait des Japonais sur le Titanic, pourquoi tous les Japonais seraient pas morts à ce moment-là? Non, mais si tu imagines ce truc, tout le monde va se sentir coupable, hein. Ah la vache! Non, mais c'est une énorme différence de culture. Nous, on se dit, oh la vache, il a eu trop de bol et tout. Eux, là-bas, c'est. T'es un lâche. Juste, t'es un lâche parce que tu n'es pas. Tu vas mourir avec tes frères. Tu devrais être, en fait. Ouais, je fais le parallèle, alors qu'il n'a rien à voir, mais avec l'argent et la réussite entre les États-Unis et la France, où aux États-Unis, tu n'es jamais jaloux de celui qui a réussi, contrairement en France, où tu dis, mais est-ce qu'il a eu son argent, tout cet argent-là, hein? C'est louche, hein, tout ça. En France, c'est des vipères, les gens. T'as l'impression que le premier métier des Français, c'est concierge. Tous les Français sont concierges. Voilà. C'est ça, sans dénigrer les concierges, parce que ça n'a rien à voir. Sans dénigrer les concierges, mais dans le cliché, on va dire. Évidemment. Alors, il y a un autre truc aussi super drôle. Enfin, super drôle. Faut que j'arrête de dire que c'est drôle alors que ça n'est pas. On est déçus. Non, mais de ouf. Mais lorsqu'une personne se jette sous un train au Japon, la famille du défunt doit payer une amende. Quoi? Elle paye la réparation du train? Non, elle crée un retard. Elle gêne la communauté. Il y a un autre truc qui est lié du coup, donc je vais le dire en même temps, c'est que le temps moyen des retards des trains japonais, attention, ça c'est pour les gens de la SNCF si vous nous écoutez, il est de 18 secondes. 18 secondes, ah ouais. Genre les 15 minutes de retard là minimum en France, et même c'est pas possible. Une anecdote hyper rigolote qu'un youtubeur racontait, Louis-San, qui passe beaucoup de temps au Japon, il y a eu un message d'excuse sur le quai parce que le train était en avance. Ah ouais. Il avait genre 1 minute et demie d'avance. Mm-mm. Et il y a eu un message de diffuser en mode nous sommes désolés, ça perturbe votre planning, alors qu'il était en avance. Bah, ce qui est dommage, c'est un peu l'inutilité de ce message, c'est-à-dire que quand t'es en avance, le train est en avance, effectivement ça peut pénaliser. Oui, mais ça dérègle. Ouais, non, je suis d'accord. Mais ça peut pénaliser celui qui est à l'heure, et parce que le japonais est à l'heure, parce qu'il sait que le train va passer à l'heure. Donc si le train est un petit peu en avance, ça peut le pénaliser parce qu'il loupe le train. Mais cela dit, ils n'ont pas démarré en dehors des créneaux, c'est qu'il est arrivé en avance. Ah ouais, ils ont attendu 18 secondes pour repartir, quoi. Enfin, 1 minute 30 pour repartir. Ouais, d'accord, ok. Ah ouais, non, c'est une autre culture, quoi. Ah non, tout est réglé. Mais j'avais entendu, effectivement, pour le retard des trains, et oui, c'est clair, nous, ça va, il a que 10 minutes de retard. Ça passe, ouais, c'est quoi. Ça, c'est la bonne blague. C'est quand même affreux. Déjà, il circule, c'est déjà pas mal. Oui, ouais, oui, voilà, oui, c'est ça. Il n'y a pas qu'un caténaire qui est tombé sur la voie et qui a annulé le train, déjà, on est content. Alors, autre petit fun fact, au Japon, il y a plus d'animaux de compagnie que d'enfants. Waouh. Ah ouais. C'est dingue. C'est joli, Rico. Et non, mais ça conforte ma théorie que les animaux sont mieux. Oui, bah complètement. C'est pas exactement ça, c'est qu'il y avait une politique, je crois que c'est un peu en Chine aussi qu'il y avait cette politique-là, où il fallait pas faire trop... Ouais. T'as même des blâmes, enfin pas des blâmes, mais des taxes en fait sur chaque enfant que t'as après en fait un. Enfin, quand t'as plus d'un. En France, la politique de l'enfant unique, t'as pas ça, hein. Bien sûr que c'est. Elle n'existe plus. À partir du moment. Ah bah elle n'existe plus peut-être. Non, ça n'existe plus. Non, c'est devenu culturel parce que c'est ancré. Mais c'est vrai que la politique de l'enfant unique, c'était valable dans les années 80, je crois. Après, ça c'était surtout en Chine et pas du tout au Japon. Bah si, parce qu'ils étaient surpopulés aussi. Bah non. Bah dans Tokyo aussi. À vérifier. Bah oui, mais les politiques de l'enfant unique ou politiques de planification des naissances. Est une politique publique de contrôle des naissances mise en œuvre par la République populaire de Chine de 79 à 2015. Rien à voir avec les communistes. J'ai dit aussi Chine, hein, de tout à l'heure. Oui, mais le Japon n'a rien à voir avec mais ça. Pas le Japon. Mais après, le Japon, c'est très ancré dans la culture japonaise, parce que déjà, pas de place. Le culte, comme tu dis, enfin, comme disait Laura tout à l'heure, de réussite absolue, etc. Donc, il faut pas que t'aies trop d'enfants, quoi. Et puis même, malheureusement, et ça, c'est aussi un truc qui est très vrai, c'est que les enfants, ils vivent pas forcément super longtemps. Quand tu vois que la plupart des personnes qui ont 20 ans se suicident, tu te dis que la jeunesse au Japon, c'est pas ouf, quoi, quand même. Ouais. Cela dit, dans ces cas-là, vaut mieux en faire plus, comme ça, t'en as un qui survit. Ouais, mais après, enfin. Ouais, après, faut l'élever, faut dépasser les coups et tout ça. Ouais, ouais, voilà, non, mais c'est sûr, c'est sûr. C'est pas les mêmes cultures. Ceci dit, les taxes sur les gosses, faudrait peut-être les mettre en France, ça ferait un petit peu. Mais il y a pas, il y a au contraire, il y a pas de taxes au Japon, il y a pas de taxes sur les enfants. Non, je parle pas non, de. Non, mais pour répondre à Teddy, c'est le contraire. Au Japon, il y a pas de taxes quand t'as un deuxième enfant. C'est plutôt encouragé d'avoir un deuxième enfant. Ah bah c'est l'un des pays qui a le plus bas, qui a le plus bas taux de natalité du monde. Donc ils sont là, genre faites des gosses, allez-y. Allez-y, Kenny, faites des gosses. Mais ça le fait pas. Malheureusement, ça le fait pas. Ils sont en plein choc, ce qu'ils appellent le choc argenté. Oui. Ils ont. Ouais, il y a trop de vieux et pas assez de jeunes. Ouais, c'est ça, ouais. Bah, c'est le papy boom, quoi. C'est ça. Ouais. Qui se retrouve aussi là-bas, ouais. C'est énorme, hein, quand même. Autre anecdote. Alors, autre anecdote, j'en ai 10 en tout. Oh là là, okay. D'accord. Alors, au Japon, il y a au moins 20 expressions différentes pour s'excuser. Ah, et même dire à quel point on est vraiment tout le temps dans, entre guillemets, l'écoute de l'autre et le fait de ne pas vouloir déranger l'autre, la communauté et tout ça. C'est pas une liste d'excuses. C'est la culture de respect, en fait, et d'excuses, de toujours être dans l'écoute de l'autre. C'est énorme, je trouve. Et le respect, c'est... Moi, je trouve ça ouf. Alors là, on va partir sur des trucs vraiment drôles. Genre, c'est pas juste drôle pour être drôle. Enfin, je dis pas juste drôle comme ça, dans le vent. Mais il y a un épisode de Pokémon, épisode 38 de la première saison, très exactement, qui a envoyé presque 700 enfants à l'hôpital. Quoi ? Épilepsie ? Pour épilepsie, étourdissement, vomissement. Ah ouais ? Voilà, parce qu'en fait, donc en cause... Un combat de Pikachu dans le cyberespace illustré par des flashs rouges et bleus. Ah, perdu. Ok. Et par contre, juste un petit aparté, Cindy, mais le fait d'envoyer des enfants à l'hôpital, du coup, ça rentre dans la catégorie drôle, quoi. Ouais, non, en fait, c'est hyper drôle. J'aime bien l'idée. Non, j'avoue. Oui, mais en fait, c'était... L'idée, c'est drôle. Première la transition. Il y avait Pikachu dedans, donc oui, ok. De ouf. Ouais, bon, on va. Du coup, c'est moins drôle ce que je vais dire après. Voilà. Elle a dit que c'était moins drôle. Non, je sais pas si vous connaissez l'histoire de Hirohō Onoda. Non, ça me dit rien. Est-ce que ce nom et ce prénom vous disent quelque chose? Ça vous dit rien? Alors, Hirohō Onoda, c'est un soldat pendant la Seconde Guerre mondiale qui a combattu, pendant la Seconde Guerre mondiale dans la jungle philippine. Et petit bonhomme est resté avec trois de ses camarades à la fin de la guerre sur l'île pour exécuter les ordres et ne pas céder l'île aux Américains. C'était le mot d'ordre, en fait. Mm-hmm. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que ces trois camarades sont morts. Les soldats américains, ne trouvant plus aucune force d'opposition, sont repartis. Le Japon a capitulé, sauf que Onoda est resté jusqu'en 1974 sur l'île, en se pensant toujours en état de guerre. Ah ouais, donc il vivait retranché en fait, alors qu'il n'y avait plus de danger. Et il a gravement pété les plombs, blessé des touristes et tout ça qui étaient sur l'île et qui essayaient tant bien que mal de lui expliquer qu'il n'était plus en guerre. Tant et si bien que le gouvernement japonais s'est dit c'est quand même bizarre que les touristes reviennent blessés à chaque fois, on va les jeter un coup d'œil. Et ils ont retrouvé du coup Hirohō Onoda qui a vécu un véritable choc des cultures en fait, puisque lui il était resté dans son Japon de 1945 et quand il est arrivé en 1974, il y a eu beaucoup de choses qui ont changé. Il y a eu des petits changements. Notamment un début d'occidentalisation, donc ça c'est mal quand même. Et donc voilà, ce petit personnage s'est éteint à 91 ans en 2014. D'accord, mais j'avais entendu parler de cette histoire, mais sans connaître ni le nom, ni exactement les tenants et les aboutissants. Ouais. Bah, le pire, c'est que c'était quand même incroyable. C'est pas un cas isolé. Lui, c'est le plus long, en fait. Il détient le record, on va dire. Mais c'est pas le seul. Il y en a d'autres sur des périodes plus courtes. Du tout. Parce que sur toutes les îles au Japon, ils communiquaient pas, en fait, aussi simple que ça. Mm-mm. Donc ils restaient pendant plusieurs années après la guerre. Tout était fini, mais eux, ils étaient encore en guerre. Ouais, c'est ça. Et puis en fait, du coup, les gens les pensaient morts, donc ils les cherchaient pas. C'est quand même affreux. Ils te cherchent pas. Ouais. Il aurait pu mourir sur cette île, et je pense que d'autres sont morts sur des îles et qu'on les a jamais retrouvés, quoi. C'est fort possible. Ouais. Mm. Ouais. Voilà. Dernière petite anecdote, et celle-là, elle est vraiment, vraiment drôle sur le coup. Savez-vous qui, alors, est si mort. Vous le trouvez, franchement, je vous adore. Donc, c'est une personne ou un personnage qui est né en 1954 et qui a été nationalisé japonais en 2015. Est-ce que vous savez qui c'est? Alain Delon. Pas du tout, c'est Godzilla. Ah, Godzilla. Godzilla a été nationalisé en 2015, ce qui veut dire, et ça c'est super drôle, ce qui veut dire qu'il a du sang japonais, parce que le Japon fonctionne sur ce qu'on appelle le jus sanguinis, c'est-à-dire qu'il fonctionne par droit du sang et non par le droit de naissance sur le sol, comme nous par exemple en France. Donc si tu n'as pas de sang japonais, eh bien c'est très très dur d'être nationalisé japonais. Donc, Godzilla a du sang japonais. Mais 50 ans quoi. C'est beau. Voilà, c'était juste pour dire ça. Ouais, très bien. Et eh ben, en tout cas, merci pour toutes ces petites anecdotes croustillantes, hyper marrantes. Ouais, t'as vu ça? N'est-ce pas? Ah là là, l'habitat japonais et ses particularités, et puis le quiz avant la fin de cette émission. Et puis avant, on a une chanson d'actualité qui est en train de faire le buzz en ce moment, et pour cause et pour une bonne raison. C'est la chanson de McFly et Carlito qui s'appelle Je me souviens, qui a été publiée hier ou avant-hier, et qui parle des gestes barrières à respecter. Oh, et la finalité de cette vidéo de... Oui. Ouais, non, mais là, oui, tu vas l'expliquer, mais Macron a absolument pas compris l'ampleur du phénomène. Non, il a pas. Il s'est pas dit que ça. Il s'est pas dit que ça marchait beaucoup trop bien. Ouais, mais tant mieux, parce que, en fait, donc, l'idée étant d'atteindre les 10 millions de vues, et ils vont très certainement y arriver. Bah, c'est sûr. Et l'idée, c'est que s'ils atteignent les 10 millions de vues, McFly et Carlito, qui sont des youtubeurs, Emmanuel Macron, notre président... Un concours d'anecdotes avec Emmanuel Macron. Exactement, une vidéo avec un concours d'anecdotes sur YouTube. Voilà. Le gars a pas tout compris au concept de l'internet, hein, clairement. Non, à mon avis, il a totalement compris, et justement, il a fait appel à des youtubeurs. Est-ce qu'il a vu ce que c'était les concours d'anecdotes? Alors, je sais pas, mais apparemment, ravagés du caisson, hein. Oui, mais apparemment, son responsable communication est conscient de ça, et ça n'a pas l'air de poser problème. On verra. Mais il est fort probable que vous voyez notre président dans une vidéo de McFly et Carlito dans quelques jours ou quelques semaines. Ça fait un jour que ça a été publié, un jour et demi. C'est déjà 7,8 millions. 7 millions, oui, c'est ça Internet, c'est ça YouTube. Et donc leur chanson Je me souviens qui arrive donc sur Indestar pour respecter les gestes barrières qu'on n'oublie pas. Et dans un instant, on repart au Japon. Dès 21h, c'est l'émission à la maison sur Indestar. Et c'était McFly Carlito en futuring avec notre président de la République. Je me souviens à l'instant sur Indestar. Et là, on va retourner voir un autre président, qui est le président japonais ce soir, Konnichiwa, en parlant de l'habitat japonais, qui est très différent, quand même, d'une autre. Et on va parler de tout type d'habitat, et je vais commencer par l'habitat traditionnel plutôt, pour aller vers des choses un petit peu plus récentes. Alors déjà, un truc, c'est que la façon d'envisager l'habitat au Japon est différente de chez nous. Parce que là-bas, on envisage l'habitat pour une durée d'à peu près 25 ans, qui rapproche en fait plus du mode de vie américain, où on va bâtir des maisons plus pour une famille, plus que pour un plan d'urbanisme. On va te faire une maison, ça va tenir 25 ans, et puis après tes enfants, ils la raseront, ils feront autre chose à la place. Donc ce qui fait que le monde et l'habitat japonais est en perpétuelle évolution, travaux, changements, etc. Les villes, les campagnes changent hyper rapidement. et en fonction de l'évolution aussi de la population, de la natalité, c'est-à-dire que tu peux très bien passer d'une zone où tu vas avoir des maisons et qui vont se transformer rapidement en immeubles. C'est un peu comme à Nantes, quoi. T'as des maisons individuelles et puis après tu vas te retrouver avec des petits immeubles. J'avais la rêve de Nantes en tête, voilà. Les lotissements qui remplacent les rizières. Alors il en reste des rizières, heureusement, parce qu'on en a besoin. On en a parlé tout à l'heure et la culture, la cuisine à base de riz. Mais il y en a de moins en moins quand même. Et puis il y a évidemment aussi de moins en moins de maisons traditionnelles, même si ça reste quand même. C'est ce qu'on appelle les WAFU, W-A-F-U, les maisons traditionnelles qui ont disparu des villes, mais pas encore des campagnes. Elles sont donc pour la plupart en bois, alors extérieur comme intérieur. Vous les connaissez, hein, ces maisons, elles ont un toit, vous savez, un petit peu courbé, elles ont une petite coursive, en fait, à l'extérieur, un balcon, tu peux faire le tour de la maison, elles ont des cloisons mobiles, il y a des portes coulissantes aussi qui sont, alors ça, je savais pas, mais elles sont couvertes de tissu ou de papier de riz, qui sont légèrement transparentes, en fait, pour que la lumière rentre dans la maison, même quand elles sont fermées. Donc ça, c'est plutôt sympa. D'après, je vous avoue que d'avoir des portes en papier de riz, ça me ferait bizarre, mais bon, c'est traditionnel là-bas. Et puis en termes d'aménagement, alors tu le disais, Jolan, la petite pièce pour se débarrasser de ses chaussures avant d'entrer et de monter dans la maison, ouais. D'une manière générale, c'est beaucoup moins cloisonné que chez nous. C'est-à-dire que ça ressemble plus à un loft avec des pièces, avec les fameuses cloisons qui bougent, qui peuvent être agrandies, etc. Il n'y a pas cette notion de chacun dans sa chambre, chacun dans son espace. Là, justement, on y habite avec toute la famille et on partage des espaces. Et puis, il y a très peu aussi de meubles parce que là-bas, il y a des pièces qui sont dédiées au rangement. Alors, comme chez nous, un dressing. Mais ça serait vraiment voilà, une pièce, c'est la pièce à rangement. Et par contre, dans la salle à manger, il va y avoir un meuble. Genre, chez nous, en France, c'est un peu le débarras, en gros. Alors chez nous on a le débarras en France, mais on a aussi des bibliothèques, on a aussi des meubles bas, des meubles hauts, des machins, on en a dans toutes les pièces. Alors que là-bas, non, c'est épuré au possible en fait. Voilà, dans les pièces il y a un meuble pour un tout petit peu de déco et le reste y a rien, c'est un espace de vie. Dans les chambres, les matelas sont posés au sol dans ces maisons traditionnelles. Et puis alors ça se fait un petit peu moins maintenant, mais avant dans les salons il y avait un trou qui était au milieu du salon. Et qui servait en fait de foyer pour faire un mini feu, histoire de chauffer par exemple l'eau du thé. Voilà, c'était pas pour faire cuire le cochon, hein, parce qu'en plus il n'y avait pas d'extraction, donc il valait mieux pas que ça aille partout, mais tu pouvais faire chauffer l'eau du thé au milieu du salon. Et puis il y a des tatamis. Alors c'est pas comme dans nos dojos, hein, les tatamis là-bas c'est en paille, ça fait plus genre natte de plage quoi. Donc là il y a des nattes de plage un peu partout sur le sol. De quoi ? Tu oses dire nappe de plage, vraiment ? Oui, bon, c'était pour l'image. Je te rappelle, c'est les années 50, hein. On n'a pas beaucoup évolué. Hein. Et bah quoi, il y a des nappes de... T'as plus de nappe de plage, vrai ? Ça existe plus. Bon, bah ça existait quand j'étais jeune. C'est un truc de bon. Là, imaginez qu'il y a des nattes de plage un peu partout sur le sol. C'est un peu Nice au mois d'août, quoi, tu vois, dans la pièce. Et c'est même comme ça, parce que je vais les appeler les tatamis, hein, pas les nattes de plage, mais les tatamis là-bas, ils ont une mesure exacte, c'est-à-dire qu'ils mesurent 182 cm sur 91 cm de large. Et on peut compter comme ça la superficie des pièces. C'est-à-dire que là-bas, on va pas dire, tiens, j'ai un appart de 25 mètres carrés, on va dire, j'ai un espace de 8 tatamis. Voilà, c'est une valeur, une mesure. Ouais, exactement. Et puis voilà, d'une manière générale, le style est épuré, c'est simple, c'est naturel. C'est tout le contraire de mon appart, quoi, finalement. Ton appartement n'est pas simple, c'est ça ? Ah bah c'est pas qu'il est pas simple, mais c'est qu'il est bourré de petits objets. Et là-bas, justement, tu es épure, tu ne prends que l'essentiel. Et il t'entasse ton bordel, que t'as pas forcément d'ailleurs, dans des placards. Alors que moi, je mets tout en expo, quoi. Et puis à l'extérieur de la maison, alors il y a les toitures qui sont déjà agréables à regarder. Il y a ces fameux couloirs qui font que tu peux faire le tour de ta baraque en restant pieds nus. Donc ça fait plaisir. D'ailleurs, tiens, je suis un aparté, mais le fait de marcher pieds nus, ça me fait penser et à Yannick Noah et à Mimi Sicu dans Indien dans la ville. Et petit hommage à Tonton David qui chantait la chanson d'un Indien dans la ville, là, de chacun sa route, chacun son chemin, passe le message à ton voisin, et qui nous a quittés la semaine dernière. Oh, donc voilà. hommage à tonton David, et en plus il était pas vieux, il avait 53 ans je crois. Revenons au Japon quand même. Avec le jardin japonais qui est bien fermé. Alors autant à l'intérieur, j'ai dit qu'il y avait des cloisons où tu pouvais voir en fait de l'extérieur ce qui se passait avec les ombres, en tout cas hein, avec le passage de la lumière, etc. Autant à l'extérieur, c'est hyper fermé. C'est-à-dire que l'espace intime chez nous, ça va être la maison, et puis le jardin, ça va être un espace un peu plus communautaire. Là-bas, c'est le jardin qui fait la propriété et qui fait que tu t'es enfermé chez toi à partir du moment où c'est ton jardin. Et puis c'est souvent assez petit. Alors, vous savez, les jardins japonais, c'est souvent très beau, avec un plan d'eau aussi qui est auprès de la maison, on s'y sent bien. Mais les jardins sont petits et je dirais plus historiquement, parce que ça a été extrêmement cher, les terrains japonais, jusqu'à 10 fois le prix de la maison. Donc voilà, ça avait un coût au mètre carré qui était absolument abominable. Mais l'avantage, c'est qu'on n'était pas bridé comme on peut l'être dans l'architecture française, hein, où tu es obligé de faire une baraque qui ressemble finalement à toutes les autres baraques. Là-bas, tu pouvais très bien acheter 20 mètres carrés et puis faire une maison de 6 étages. Ça s'est déjà fait d'ailleurs. Donc voilà, tu pouvais te faire plaisir là-dedans. Mais depuis les années 90, les terrains sont quand même bien moins chers. Il y a eu l'explosion un peu de la bulle immobilière. Par contre, ça a eu comme conséquence d'abandonner beaucoup de maisons pour en construire d'autres à côté. Et puis celles qui sont abandonnées sont pas forcément dans un bel état, parce que ce que je disais tout à l'heure, c'est que voilà, contrairement en Europe où tu fais une maison pour X années, ça doit durer sur des générations, là-bas tu la construis pour 25 ans, donc finalement la maison s'abîme aussi rapidement parce qu'elle a pas été conçue pour durer 100 ans quoi. Voilà. Donc ça c'est sur la maison typique japonaise. L'habitat traditionnel. Après, il y en a d'autres. Alors, je vais passer plus vite dessus parce qu'il y a pas trop à en dire. Et il y a ce qu'on appelle les apato. Donc, c'est l'abréviation qu'on pourrait traduire d'appartement, mais en fait, c'est. Allez, moi, je compare ça plus à une résidence universitaire, hein, parce que en gros, c'est. Alors, c'est construit à la va-vite. Il y a des cloisons qui sont hyper fines, etc. Et ouais. Puis, en fait, il y a beaucoup de parties communes pour les toilettes, pour les douches, pour la cuisine. Et encore parce que des fois, t'es obligé d'aller. C'est un appart à Paname, en fait. Oui, alors c'est même pire qu'un appart à Paname, mais c'est un peu le concept, ouais. Et là, des fois, t'as même pas de salle de bain, t'es obligé d'aller au bain public dans les centres. Ouais. Les sentos, ouais. Ouais, pour aller te laver. Donc voilà, et les apatos, c'est ce qu'il y a de plus hein, en ville, et tu peux vivre assis dedans, ça choque personne, quoi. Donc voilà, on fait avec une petite surface et avec pas forcément beaucoup de commodités. Après, plus haut de gamme, il y a les manchons. Les motion, voilà, qui sont des appartements. Alors là, on est plus sur des immeubles avec plusieurs étages, souvent avec en béton armé. Alors c'est pas un blocos, hein, rassurez-vous, mais c'est en béton. Et puis là, il y a des apparts plus grands avec comble du luxe, une salle de bain, une cuisine individuelle, voilà. Et puis après, on a les maisons traditionnelles. Alors on a deux types. On a les minka. Alors c'est deux types, c'est les fermes et puis les maisons de bourg. Donc là, bienvenue dans la Creuse. Hein. Non, dans la Creuse, il n'y a pas de bourg, autant pour moi. Mais voilà, les minka, on va dire que c'est ce qui ressemble le plus à ce qu'on peut connaître, nous, en Europe. Quoi. Voilà. Mais c'est un ensemble de maisons traditionnelles qu'on va retrouver surtout dans les campagnes, parce que dans les villes, elles n'ont plus leur place comme dans les villes de France, hein, parce que pas de place. Et puis, dans les villes, ça va se battre entre les habitats un peu cossus où tu peux te permettre d'avoir une cuisine individuelle et puis les chiottes. Les appartements faits très rapidement où tu vas vivre à beaucoup dedans et que tu vas aller te baigner dans les bains publics. Comme à l'époque des Romains, hein, où tu allais... Mais il y en avait aussi en France, hein, faut arrêter. Hein, c'est vrai, c'est dans vrai. Dans les années 70, il y avait encore des bains publics. Hein. Ils ont poussé la vis plus loin encore, les Japonais, là-dessus. Dans le fait que... Dans les Sento. Les quoi? D'aller dans les Sento, d'aller... Ouais, ça, c'est ce qu'on disait. C'est un truc social, mais non, c'est en fait, pas ça c'est que je veux parler. C'est plus que l'hygiène. Non, je parlais pas des termes... Je voulais parler des hôtels pour les touristes, où qu'en gros, t'as une chambre. T'as un caisson en mortuaire, on va dire. Ouais. Ouais. J'ai pas parlé, je voulais pas m'étendre effectivement sur les locations et voilà les hôtels etc. Oui, mais les capsules où oui t'as 1m50 de hauteur et t'as un lit avec tout équipé. Hein, par contre t'as la télé incorporée, le petit rangement, le machin. Mais t'as l'impression de dormir dans un, enfin je dirais pas le terme, mais voilà, après la mort quoi. Dans un caisson mortuaire hein, clairement. Ouais, c'est ça. La vache. Super, merci. C'est génial. Moi, ça coûte pas très cher parce que tu prends pas de place, tu vois, mais. Mais t'es rangé comme du bétail. Si vous avez déjà vu des. Le mec il s'enfonce, quoi, j'adore. Oh, mais c'est, ça doit être sympa à faire au moins une fois dans sa toi, vie. T'es en train de la creuser, t'as tombé. Tu m'étonnes. Ah, vache. Bien, wesh. Non mais oui, après bon ça fait partie des c'est marrant même pour un touriste parce que tu vas là-bas, tu te dis tiens, faut que je teste ça. Je suis sûr que t'es dit tu le ferais si t'étais. Bien sûr, évidemment. Bah oui. Bah moi tu vois étant claustro, je le ferais pas. Hein. Ah ouais, non mais je peux comprendre. Tu te réveilles dans la nuit, tu essayes de te relever rapidement, boum, tu te prends le plafond quoi. Ça fait un peu esprit ruche. Ça me fait penser un peu plus penser à Auschwitz qu'autre chose en fait, mais Ouais, bah oui, non, c'est bah, heureusement ça cuit pas. Il y a peut-être c'est le chauffage, vraiment... mais pas si fort que ça, tu vois. Oui, il est... Oh, le point Goldwyn est atteint. Toujours avec moi. Même quand on parle au Japon, tu vois, c'est... Même au Japon, il y a le quiz qui arrive. On va parler, on va redescendre. Le quiz avec des questions où on est en compétition. Donc, Cindy contre Jolane, contre Audrey et contre Théo. Et contre... Ah bah non, j'ai rien dit. Cindy contre Jolane, contre Théo, contre Teddy. Voilà, puisque c'est Audrey qui fait le quiz. Et on va pouvoir jouer, et vous allez pouvoir jouer. Mais avant, on écoute un bootleg. On a mélangé, on n'a pas le temps de le dire, mais c'est DJ Admiral Nelson. Vivez le confinement avec nous sur Indestar. C'est l'émission à la maison. Et il est 23h30 et nous sommes encore là pour la dernière ligne droite de cette émission à la maison spéciale Japon pour le quiz. Évidemment, nous avons tous envie de jouer et j'espère que vous aussi. Donc vous prenez un stylo ou une feuille. Il y a combien de questions? 8, c'est ça, Audrey? Oui, exactement. Donc 8 questions, soit une de plus, une question bonus par rapport à d'habitude, une possibilité supplémentaire de gagner. Mais il n'y aura qu'un seul vainqueur. Je croise les doigts. Ah oui, alors tu croises les doigts pour pas être au pied de... Non, c'est des questions de culture G, hein. Y a pas de... Ok, donc c'est moi qui suis au pied. Y a pas de pop culture. Franchement, si vous avez écouté ce qu'on a dit, il y a des questions, il y a des réponses qui ont déjà été... Que l'on a déjà donné, d'accord, dans cette émission. Du coup, il y a plus mauvais que moi, là, ce soir. Moi, en culture G, je suis une quiche, donc ouais. Fais attention, Jolane. Si Cindy, tu peux avoir des réponses. Ne te repose pas sur tes lauriers, Jolane. Non, il faut pas se reposer sur ses lauriers. Je ne me repose pas sur mes lauriers. Même les lauriers de la défaite. Exactement. Mais en tout cas, à chaque question, il y a 3 possibilités de réponse et seule une de ces possibilités de réponse est bonne. Donc, à savoir laquelle. Alors, commençons par la première question. De combien d'îles se compose l'archipel Nippon? Réponse A, 4577. Réponse B, 6852. Ou réponse C, 7945. Donc c'est beaucoup déjà. Oui. Déjà oui. Le terme c'est beaucoup. Ouais. Mais alors 4577, 6852, 7945. Théo, à ton avis? C'est beaucoup. J'attends. Hein. Ouais. J'attends. Mais c'est beaucoup dans les 3 cas. 962 là. Ouais, on l'a perdu là. On t'a perdu pendant que tu donnais ta réponse. Ah bon? Ouais. D'accord. Réponse B était ma réponse. Réponse B. Ouais. Teddy. Bah non, réponse A. Jolane. Réponse A pour moi aussi. Cindy. Ah mais t'as l'air sûr. Et pareil. Bah. Donc vous êtes tous réponse A. Oui. Eh ben vous auriez dû suivre Théo. Ah bah voilà. Allez. 6852. Oh. Ah ouais. Là. Beaucoup de toutes petites paillettes de rien du tout. T'as dit tu fais chier. Je les ai toutes visitées. Heureusement qu'Audrey participa parce que elle aurait participé, elle aurait dit t'as dit tu fais chier. Et là je me serais fait crier direct. Mais là elle l'a pas dit, tu vois. Du coup ils sont tous tombés dans le panneau parce que j'en sais rien. C'est ça l'avantage de faire les quiz. Bah ouais. Merci Audrey de me laisser les piéger. J'en sais rien. Mais en vrai, moi, je t'ai pas suivi, Teddy. Je pensais vraiment qu'il n'y en avait que 4000 et quelques. Ah, je sais. Mais Jolane m'a suivi, donc je suis quand même content. Vivez le confinement avec nous sur Indestar. C'est l'émission à la maison. Ah bah là, pour le vivre, vous le vivez. Hein. Ah ouais. Ouais. Le principe de l'émission à la maison où on est chacun chez soi, ça fonctionne, mais jusqu'à un moment donné où ça fonctionne plus. Et là, jusqu'à visiblement... Discord, ça a pu marcher, mais on les a retrouvés. C'est ça le principal. Bah exactement. Et on était en plein milieu d'un, enfin en plein milieu au début hein, plutôt, mais d'un quiz de 8 questions. Okay, donc on a fait la première où on a dit que l'archipel Nippon se composait de 6852 îles. Mm-hmm. Mais la deuxième, à votre avis, quelle est la religion majoritairement pratiquée sur l'île ? Est-ce A, le shintoïsme, B, le bouddhisme, ou C, le pastafarisme ? Alors, à ton avis, Cindy ? Moi, j'avais dit le shintoïsme, du coup. Ça va se là-dessus, parce que j'en ai aucune idée. Teddy, pourquoi ? Ah ouais, c'est le shintoïsme. Jolan. Moi, j'avais répondu le bouddhisme. Et pour finir, Théo. Le pasta. Écoute, je sais pas, parce que c'est vrai que tout à l'heure, quand t'as parlé de la viande, t'as dit qu'il y avait beaucoup de personnes qui pratiquaient le bouddhisme. Mais après, est-ce que c'est majoritaire ? J'en sais rien et ça me fait chier. Je suis Jolan, mais en même temps. Gueule, allez, mais vas-y, mais je vais t'en renvoyer un sac mortuaire, tu vas dormir dedans rapidement. Je quoi bien. Mais Alors, t'as tué. Allez, shintoïste. Eh bien, tu as bien fait de suivre cette réponse parce que, effectivement, c'est le shintoïsme majoritaire. Tu as bien fait de pas suivre Jolan. Oh putain. Non, mais. C'est là que ça m'a mis la puce à l'oreille. Une petite simple pour détendre un peu l'atmosphère. Quelles sont les couleurs qui composent le drapeau japonais ? Bleu et rose, noir et jaune ou rouge et blanc ? À ton avis, Théo ? Rouge et blanc, réponse C. Jolan ? Rouge et blanc. Cindy ? Pareil, rouge et blanc. Et Teddy ? Rouge et noir. Non, je déconne, rouge et blanc. Rouge et noir, c'était même pas dans les propositions. Ouais, même pas, ouais, c'est ce que j'ai envie de dire. Et alors ? Et oui, effectivement, le cercle rouge sur fond blanc, le soleil levant, tout ça, tout ça. Alors, attention, on va sortir les calculettes. Teddy, ouais, t'es à peu près. Facile. À votre avis, combien vaut 1 yen en euros ? Mais c'est pas une question de calculette. 0,08 centimes. C'est du change. 0,08 centimes, 0,12 centimes ou 0,1 centimes, à votre avis. Donc réponse A, 0,08 centimes. Réponse B, 0,012 centimes. Réponse C, 0,1 centimes. Jolan. Dans ta gueule. J'ai un peu le temps de réfléchir. Réponse A, allez. Teddy. Tu fais chier, je voulais prendre la A. Vas-y, 12 centimes. Je peux pas prendre pareil que Joël, c'est pas possible. Cindy. Moi je dirais 0,08. Et Théo. Moi je prendrais la même réponse que Jolan. Eh bien, vous aviez raison de prendre la même réponse. Putain que Jolan. Oh là là là là là là. C'est exactement là, à l'heure où je le fais sur Google. Google, ouais, me dit que c'est 0,78 centimes. Enfin, 0,078. Donc j'ai arrondi. Ouais, c'est vraiment très peu, quoi. Ouais. Oui, oui, oui, c'est très peu. Mais en fait, ça n'a pas la même valeur parce que ça vaut rien. Un yen. Enfin, personne ne paye un yen. Oui. Ouais. Donc c'est pas équivalent à 1 euro, ça n'a rien à voir. Ouais, ce que tu veux dire, c'est qu'en termes de monnaie, par exemple, tu n'as pas de pièces de 1 yen. Si, t'as les pièces, mais tu n'achètes rien avec 1 yen. Tout commence à partir de 1000 yens. Oui, mais ça veut dire que si t'as des pièces de 1 yen, t'es obligé de te trimballer avec vachement de monnaie pour acheter quelque chose. Non, il y a plus de billets que de pièces. D'accord. Ok. C'est pour ça qu'ils sont forts en maths. À votre avis, de quoi ? C'est pour ça qu'ils sont forts en maths. Ils font des gros calculs pour pas grand-chose. Ça doit être ça. Mais, non, mais c'est comme la Grande Dépression en Allemagne, quand t'arrives avec des brouettes de pièces. Des brouettes de pièces, ouais, pour acheter ton pain. Sortons de la monnaie et passons dans le sport. Je sais que Théo est friand de cette catégorie. Évidemment. À votre avis, quel est le sport national ? Est-ce A, le judo ? B, le baseball ? Ou C, le football ? Alors Théo, à ton avis ? Quoi ? Bah je sais que c'est ta catégorie préférée. Alors attends, t'as dit baseball, football ou... Judo, baseball ou football ? Bah franchement, alors attends, le football c'est en France pour moi, enfin en Europe. Le baseball c'est les États-Unis, donc je dirais le premier. Le judo ? Ouais, le judo. Ça fait cliché après, hein, mais bon, je sais pas. Jolan, pour toi, c'est quoi le sport national au Japon ? Jolan ? Oui, allô ? Oui ? Oui, non, allô ? Je réfléchissais, pardon. Ici, la terre. Le baseball ? Pour Cindy, c'est quoi là, ton avis? L'élevage de carpoy. Oui, aussi. C'est vrai. Pardon. Mais c'est pas un sport. Mais oui, la collection de carpoy, oui. Bah, je dirais le judo par cliché, quoi. Et Teddy? Bah... Je suis emballé par aucune de tes réponses, parce que pour moi, la réponse n'est pas dans tes propositions. Donc, je sais pas d'où est-ce que ça tu tires tout ça. Pour moi, c'est le sumo. Et c'est même sûr, en fait, que c'est le sumo. Donc, je vois pas où est-ce qu'on peut en venir avec ces réponses-là. Et bah, dans le doute, modifieras... J'irai... Ouais. Tu diras... Tu dis quoi? Bah, le baseball, parce qu'à mon avis, ils ont dû subir l'influence des Américains, mais... Et bah, t'as tout à fait raison, c'est le baseball. Et donc, pour une fois, Jolan arrive à avoir des points par quoi le bah, pour une fois, j'étais sûr que c'était ça, moi. Ah bon, heureusement que t'étais sûr. Oui. Putain, attends, Jolan avait répondu ça? Bah oui. Oui. Oh merde. Jolan a répondu ça. Oh non. Oh merde. Il t'a fait gagner au moins. Ouais, mais c'est ouais. Mais alors oui, pourquoi le baseball? Parce que ça vient des États-Unis en fait, c'est la culture japonaise. Non, le baseball est le sport national de c'est arrivé avant la guerre parce que le baseball est sport national au Japon. Mmh. Le championnat de baseball a été créé en 37. Puis dans les années 20, c'est le sport depuis les années 20, c'est le sport le plus populaire du pays. D'accord. Et il y a plein de choses. Donc oui, le sumo c'est un sport traditionnel, mais ce n'est pas le sport national du Japon. D'accord. Ouais. Le deuxième c'est le football, où apparemment c'est hyper pratiqué au Japon, et le golf aussi, comme la course automobile ou d'autres. Enfin, sur la course automobile, évidemment, il y a beaucoup de constructeurs qui sont engagés et qui ont gagné des prix. Mmh. Et si ça te convient pas, Teddy, tu iras modifier l'article Wikipédia. Ouais, je vais faire ça. Oui, parce que quand même. Alors, c'est bon. Donc voilà, si ça te convient pas, tu iras participer sur Wiki et tu iras donner tes sources. Ouais. Dans la symbolique japonaise, il y a les animaux ont une grande place. Et il y a un animal qui apporte la bonne fortune et la longévité. Est-ce la grue, la grenouille ou le chat? Alors, à ton avis, Cindy? Je dirais la grue. Pour Jolan, ça serait quoi? Le chat. Teddy? Bah, le chat, hein. Fait chier. Ah, mais... Et Théo, tu suis qui? Moi, je suis la grue. Eh bien, tu as raison de suivre Tsuru, oui. Tsuru qui est la grue. C'était juste parce que ça me faisait penser aux travaux des villes japonaises, mais voilà. Les grues représentent la bonne fortune et la longévité en raison du folklore japonais croyant que la grue vit pendant 1000 ans. Ah oui, la grue est étroitement associée au nouvel an aussi et aux cérémonies de mariage. Car les grues sont monogames. C'est pourquoi il arrive que l'image d'une grue soit parfois tissée dans les kimonos de mariage. D'accord. Ouais. Et il y a une petite tradition extrêmement mignonne qui dit que un couple doit plier 1000 origamis en forme de grue pour avoir le mariage le plus long et le plus heureux. C'est juste pour faire chier les futurs mariés, hein. C'est très mignon. Moi, je trouve ça très mignon, en vrai, de faire des origamis. Quand t'as fini des 1000 origamis, je peux te dire que c'est long. Oui, mais peut-être qu'il n'y a pas que les mariés qui le font. Peut-être si tout le monde s'y met, ok. C'est, si c'est tu les fais que les mariés, là, je dis oui. Que les mariés et à une main. et les yeux fermés et dans le dos. Exactement. Évidemment. Avant-dernière question. Attention, concentrez-vous. Depuis le 1er mai 2019, Naruto est le nouvel empereur du Japon. Mais combien a-t-il eu de prédécesseurs? Est-ce qu'il a 116 prédécesseurs? Est-ce qu'il a 125 prédécesseurs? Est-ce qu'il a 136 prédécesseurs? C'est quoi ce que t'appelles empereur? Ah bah, c'est quoi ce que t'appelles l'empereur du Japon? T'es dit, qu'est-ce que tu veux que je t'appelle d'autre? Il s'appelle Naruto? Je ne vois pas. Naruhito. Ah putain, j'ai compris Naruto. Quoi le rapport? Narumito. Naruto est l'empereur du Japon, quoi? Non. Depuis quand? Qu'est-ce que t'appelles empereur? Un empereur. Oui, mais je ne peux pas te donner d'autres définitions que le roi, enfin l'empereur. Non mais j'ai compris maintenant. Royaume du Japon. Mais c'est juste, change le nom par Naruto, tu vas voir, ta question a un autre sens total. Non. Naruhito. Naruhito, depuis mai 2019. Naruhito est le nouvel empereur japonais. Il a succédé à son père. Certes. Et combien y a-t-il eu d'empereurs avant lui? Alors, à ton avis, Teddy? C'était quoi la proposition déjà? Parce que j'ai oublié. 116, ouais, je m'en rappelle plus non plus. 116, 120, 125 ou 136? Putain, je crois que je sais. À ton avis, Teddy? It's a trap. Allez. 136. 136 pour toi, pour Cindy. 125. Pour Jolan. Quasi sûr que c'est ça. Réponse A. 100, ouais. 116 pour toi, Jolan. Théo. Ouais, bah moi je dis 125 parce qu'elle est quasiment sûre que c'est ça. Ah oui, je suis quasiment sûre que c'est ça. Et t'as tout à fait raison d'être quasiment sûre, puisqu'effectivement, Naruhito est le 126e empereur du Japon. Je sais plus, j'ai lu cette merde, mais ça m'est resté. C'est cool, hein, culture, culture. Félicitations, tu vois comme quoi t'es pas nul du tout, Cindy. Ouais. Bon, allez, dernière question. Sur les milliers d'îles que compte l'archipel, 4 regroupent 95% du territoire. Ce sont Hokkaido, Honshu, Shikoku et Kanto. Hokkaido, Naha, Toyota et Kyushu. Hokkaido, Honshu, Shikoku et Kyushu. Alors je répète, Hokkaido, réponse A, Hokkaido, Honshu, Shikoku ou Kanto. Réponse B, Hokkaido, Naha, Toyota et Kyushu. Ou réponse C, Hokkaido, Honshu, Shikoku ou Kyushu. J'ai l'impression alors, que c'est les mêmes, quoi. Moi aussi. Alors, à ton avis, Teddy. Tu peux me répéter la liste du deuxième et du troisième, s'il te plaît? Non, si, c'est très important. Donc, réponse A, Hokkaido. Non, pas la A, juste Honshu, la B et la C. Pardon. Oui. La B, Hokkaido, Naha, Toyota et Kyushu. Et la C, Hokkaido, Honshu, Shikoku, pardon, et Kyushu. Ok, c'est la C. Ah bon? Jolan. Non, le souffle n'est pas une réponse. La B. Teddy. Teddy, c'est pardon. Cindy. En fait, j'hésite entre la A et la C. Ouais. A, C, D, C, pardon. Calme-toi, je vais dire la... Je vais dire la C. Et Théo, est-ce que tu suis le reste ou est-ce que tu choisis Jolan? Bah, alors, je vais pas choisir Jolan parce que déjà j'avais éliminé la B dès le départ. Vous faites chier. Non, mais même avant que tu répondes, Jolan, j'avais éliminé la B. Après, il restait la A, la C, et tout le monde a l'air d'être unanime pour la C. Donc, ouais, je suis. Eh bah, tu as bien fait de suivre. Effectivement, Teddy, tu connais très bien les îles japonaises. Non, donc, pas vraiment. Du nord au sud. Juste qu'il n'y a pas d'île qui s'appelle Toyota. Oui, exactement, il n'y a pas d'île qui s'appelle Toyota. Ah oui, non, mais c'est pour ça que j'avais éliminé la B, déjà. Ouais. Mais je connais l'île de Kyushu. Kanto, c'est une ville en plein milieu de... La A, je l'avais éliminée aussi. C'est voilà. Donc, non, désolé, j'ai fait une petite ref à Théo, mais la ville de Toyota existe vraiment, mais ce n'est pas une île. C'est marrant déjà d'avoir une ville qui s'appelle Toyota. Oui, bah, telle inconstance. Pour nous, c'est marrant. Pour eux, pas après, forcément. Après, en Allemagne, il y a Wolfsburg hein, aussi, ce qui est Volkswagen. Hein. On n'a pas Renault par chez nous? Non, je crois pas qu'on ait de ville qui s'appelle Renault. Non, et puis Volkswagen, c'est littéralement la voiture du peuple. Bah oui, mais du coup, Wolfsburg. Ça découle pas de. Enfin, non. C'est pas comme ça qu'ils ont inventé la marque Volkswagen. Non, c'est pas comme ça, Toyota, mais c'est là-bas que se situe le siège. Ah bah. L'usine. Je ne sais pas. À vérifier, je ne sais pas. Bah, si, Ah, t'es sûr? Sûr. Du coup, as-tu les résultats, Audrey? Pas du tout, je croyais que tu comptais les points, Teddy. Évidemment! Alors, nous sommes tous déclarés vainqueurs. Non, je déconne, j'ai compté les points. Ouais, mais je pense que j'ai mal compté. Parce que il y a quand même quelque chose qui me chiffonne. Pourquoi Théo est en tête? C'est incroyable. J'ai dû faire une erreur. Une seule mauvaise réponse, j'ai compté que mes points. Bah oui, c'est ça en fait. T'as 7 points, je comprends pas, il doit y avoir une erreur. Après, c'est Cindy qui a 6 points. Après, il y a moi qui a 4 points, évidemment, parce que Jolan est à 3 points. Ah, c'est tout. Mais c'est déjà bien. Je suis désolé, Jolan. Ça ne changera jamais. Ce que je trouve génial, c'est qu'on a fumé Teddy alors que c'est censé être celui qui a du tout raflé, quoi. J'avoue, chier, Teddy. Je suis un peu triste aussi. Je suis un peu triste aussi. Attends, juste qui a été dans les pays asiatiques jusqu'à maintenant parmi vous? Non, juste comme ça, hein. Et nous, ta gueule. Voilà, voilà. C'est tout pour Jolan. Faut le dire aux gens, mais Jolan s'est vanté avant l'émission de dire: oui, moi je suis allé dans les pays asiatiques. À quel moment je me suis vanté? Aussi, tu t'es vanté de ouf. Tu t'es vanté sur 20, arrête. Ah, oui, non, je connais. Il s'est pas vanté. Non, mais t'as pas eu le avant, Cindy. Ah, j'ai pas eu le avant. Okay. Il y a eu de la vantardise. Il y a eu de la vantardise qui ne se retrouve pas dans les points. Faut dire ce qu'il y a. Ah non, mais c'est clair. je suis un peu triste quand même, j'avoue. Ça me fait un peu mal au cœur, là. J'ai envie d'aller me suicider. Non, je plaisante. Tu vois, Teddy, là, la grande différence entre toi et moi, c'est que moi, quand je maîtrise un thème, bah, je gagne sur les quiz. Allez, ah, bah, c'est quoi cette violence gratuite? Bonne journée. On n'a pas le droit à la violence gratuite à Indestar. L'important, c'est de participer dans la joie et la bonne humeur. L'important, c'est de se venger. Et bah, tu te vengeras vendredi dans le prochain quiz. En attendant, sur Indestar, il y a de la bonne musique, et puis vous pouvez retrouver, bien entendu, comme toutes ces émissions qui passent sur Indestar, l'émission dès demain en podcast sur toutes les plateformes internet, sur les applications que vous avez sur votre téléphone, pour refaire le quiz, pourquoi pas, et se déclarer être le meilleur parce que vous avez déjà écouté l'émission et que vous le faites avec les copains en prétextant que c'est la première fois que vous l'écoutez. C'est une astuce que je vous donne, après vous en faites ce que vous voulez. Rendez-vous vendredi, avant ça, de la bonne musique sur Indestar, avec notamment Nola qui reprend Alors, de Big Flo et Oli. Et Oli, justement, nous allons y aller. Donc on vous dit au revoir les copains. Bonne nuit. Bisous. Bonne nuit. Banzai. Les podcasts Indestar, toutes vos émissions préférées, où vous le voulez, quand vous le voulez, sur indestar.fr et sur toutes les plateformes internet.